Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 67e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve avec un grand plaisir avec l'ami Laurent. Salut Lolo. Hello. Comment vas-tu mon petit Lolo? Bah, ça va, je viens de déballer le PSVR 2 que je viens de recevoir, là, je suis trop content. Non, c'est ah bon, enfin, je crois que c'était le HTC Flow que tu avais acheté, tellement il avait l'air super bien. C'est bizarre. Si, pour me détendre, le HTC Flow, il ira bien. C'est vrai. Bah, ça, on va en parler un petit peu de ce truc-là. et nous avons aussi Majo. Salut Majo, que tu es beau. Bonsoir messieurs, merci. c'est la jeunesse qui fait ça. Je vois ça. Alors, ça va bien? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Ouais. Avec toutes les bonnes nouvelles. Toujours content de vous retrouver. Exactement, et c'est réciproque. Et dit de façon très très naturelle, comme tu pourras le voir. Alors, donc une professionnalisme. Exactement. Une émission, j'allais dire un peu particulière, mais en fait pas du tout. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va vous donner les infos du moment, ce qui est sorti, puis vous parler ensuite de quelques jeux qu'on a testés. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, tout le temps. Et j'espère qu'on va pas trop râler. Parce que franchement, il y a des sujets qui nous chauffent un petit peu en ce moment. Mais bon, on va essayer de le faire en déconnant, c'est toujours plus sympa. Alors, mon petit Lolo, comme d'habitude, oui. Je te prie d'annoncer les infos. Je débute. Il y a un petit jingle. Faudra un petit jingle. Je vais trouver un truc BFM TV, ça va être pas mal ça. Voilà. Bon, bah la semaine. On l'a déjà, on a celui des news en vrac. C'est vrai. Ah oui, mais c'est celui des news en vrac, il en faut un autre. Ouais, faut pas mélanger. Les torchons, ouais. Les serviettes. Voilà. Les news, eh ben, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Donc, au revoir. Non. Très bien. Cette semaine, il y a eu quand même un petit tweet de Media Molecule en début de semaine, je crois que c'était lundi ou mardi, je ne sais plus, et qui était plutôt marrant. Pourquoi ? Parce que Media Molecule, c'est quand même un studio first party des studios PlayStation, et c'est la première fois qu'un studio fait référence à une paire de lunettes avec 8 lentilles. Donc, je veux bien qu'ils ne nous cherchent pas, là, mais là, je ne vois pas. Ou alors, ils vont nous sortir pour Halloween une nouvelle araignée dans Dreams avec une paire de lunettes qui a 8 lentilles. Mais ça serait décevant quand même. Hein. Là, il me parle de VR. Moi, je vois de la VR. Alors, le message, concrètement, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Message d'intérêt public rapide à toutes les molécules. Nous avons eu une livraison anonyme d'un étrange ensemble de lunettes à 8 lentilles. Le colis est actuellement conservé à la réception. Si c'est le vôtre, veuillez réclamer le paquet à votre meilleure convenance avant la fin de la journée. Merci. » Donc moi, je me suis précipité sur Twitter. J'ai immédiatement dit que c'était le mien et que je voulais le récupérer. Mais bon, je ne l'ai pas reçu. Bizarre. Alors, Media Molecule, c'est intéressant parce que déjà, ils ont Dreams qui est en VR. Et comme je disais, jusqu'à présent, je me rappelle de Nicolas Doucet qui avait été interviewé chez Julien Chaise. Et Julien Chaise avait essayé de lui poser des questions, de lui extirper des questions sur Astro Playroom et de parler du PSVR, et là il avait clairement dit non, pas de questions sur le PSVR. Il lui avait précisé surtout, tu sais très bien que je peux rien te dire, c'est ou ça, je peux pas c'est te répondre, ça, c'est ou ça. Ou un truc du genre. Et donc, c'est vrai que les studios vraiment first party Sony n'avaient pour l'instant jamais abordé le sujet. Alors ça reste dans le vague, ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, une araignée pour Halloween avec des lunettes à 8 lentilles. Mais bon, quand même, à cette période de l'année, on vient de passer l'anniversaire du PSVR, parler de paires de lunettes qu'ils ont reçues. Nous avons eu une livraison, donc ça pourrait correspondre à le dev kit PSVR 2. Donc bon, il serait temps, ça serait quand même super inquiétant ça. C'est ça parce que normalement les dev kits devaient partir très peu de temps après le 23 février 2021, ce qui fait pratiquement 7 mois. Donc si Media Molecule ont reçu que maintenant le dev kit du PSVR 2, ben on n'est pas dans la merde, parce que ça veut dire que si un first party vient de l'avoir que maintenant, ça veut dire que les petits studios, eh ben, ils ne l'auront pas avant un bon moment. Donc ouais. C'est possible que ce soit... Alors ça, c'est le côté obscur du truc qui fait flipper, parce qu'on se dit merde. Alors j'espère qu'ils déconnent et qu'ils l'ont déjà depuis longtemps, et qu'ils ont voulu déconner là-dessus parce que Sony a peut-être commencé à lancer la machine. Pour qu'un studio first party commence à aborder ce genre de choses, chez Sony, de toute façon, c'est validé et survalidé par la hiérarchie. Ils vont pas balancer ça comme ça. Pour le moment, ça reste une vanne. Hein. C'est pas vraiment une information, c'est une vanne. Hein. Donc, c'est ça. Non, mais... pas non plus s'emballer. Hein. Bah, par contre, il y a pas le dev d'Ultra Wings 2 qui a dit qu'il n'était pas éligible au PSVR 2. Donc s'il vient de l'apprendre, bah, c'est peut-être que... Eh ben justement, c'est qu'il y en a qui l'ont reçu et pas d'autres. Et... La vanne, nous avons eu une livraison anonyme d'un étrange ensemble de lunettes à 8 lentilles, donc 8 lenses. Les lenses, bah, c'est les verres, c'est la partie vitrée. Ça s'est enflammé sur Twitter, parce qu'il y en a plein qui ont commencé à dire 8 lenses, putain. Alors c'était peut-être des pancakes, qui ont certains pancakes, donc les optiques pancakes, qui ont des fois 4 vitres. Donc on se dit ça peut être ça. En fait, finalement, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt les deux lentilles des deux yeux, plus les 4 petites lentilles des 4 caméras. Donc 4 caméras inside out, ouais. Et puis enfin les deux caméras, les deux lentilles des deux caméras de l'eye tracking, ce qui ferait bien 8 lentilles, et effectivement là ce serait une paire de lunettes à 8 lentilles. Par contre, pour la confirmation là-dessus, on ne la sera pas tout de suite, mais en tout cas c'est vraiment bizarre qui balance ça et qui rigole là-dessus, et puis ça s'arrête là, quoi. Ouais, teasing à fond, quoi, comme d'hab, quoi. Voilà, oui, ça ressemble à un début de teasing, surtout venant d'un studio first party. Ouais. Le problème, c'est que tout ce qu'on prenait depuis maintenant des mois pour des débuts de teasing, en fait, on a systématiquement quasiment été déçus, parce que justement, on s'est emballé un petit peu, on a essayé d'élaborer des théories, et que finalement... Oui, mais ça fait du bien. Ouais, non, mais je dis pas que ça fait du mal, mais je dis qu'il faut pas... Enfin, faut garder la tête froide, quoi. Bah, le souci, c'est que cette semaine, on n'a qu'un article, c'est celui-là. Si on ne parle pas de ça, ben, on ne parle pas de la misère. Voilà, la grosse misère. Après, comme dit Laurent, le plus important dans l'info, c'est que ça soit un first party qui fasse de la com autour de ça. Quoi. Ouais. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut retenir. Ah, puis les 8 lentilles. Après, les lentilles, c'est vraiment bizarre. Et puis, ce qu'on avait en général, c'est des fuites de masse de dev indépendants. Quoi. Donc, ouais. on est quand même. Au cœur de la production PlayStation, quoi. Donc ça peut-être un peu plus quand même différent. Ils ont quand même mis le petit emoji lunettes dans le message, hein. Il y a vraiment les petites lunettes qui sont dessinées dans le message. Donc bon, à suivre, c'est bizarre. Et donc ça, c'était donc le 11 octobre, c'était au matin, très tôt. Et donc le 12 octobre, donc le lendemain, c'est au tour du studio Beat Planet Games qui retweet encore un truc un peu bizarre. Alors eux, je pense quand ils l'ont tweeté, ils ont dit merde, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme connerie. Mais donc eux, ils ont tweeté à la lumière de certaines nouvelles récentes, nous réévaluons la possibilité de porter Ultra Wings 2 sur PSVR. Restez à l'écoute. Et là, il y a quelqu'un qui leur demande quelles sont les nouvelles récentes, pouvez-vous nous le dire? Et ils répondent, nous détestons être vagues, mais pas vraiment. Donc en gros, il dit tout, mais il dit rien. Il dit, à la lumière de certaines nouvelles récentes, donc qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Mais c'est quoi ces nouvelles récentes? Donc vu que la veille, il y a Media Molecule qui ont commencé à faire mousser avec une paire de lunettes à 8 machins, on dit, ben c'est ça. Ils ont reçu les dev kits, ou ils ont reçu un truc, ils savent que ça va partir. Et puis en plus, ils disent qu'ils vont réévaluer le portage d'Ultra Wings 2 sur PSVR. Donc sur PSVR, mais pas sur PSVR 2. Sauf que après, ben, forcément, après avoir dit ça sur Twitter, ils se sont fait... Il y a eu 50 messages, tout le monde a dit la sienne. Voilà. En même temps, quand tu balances un truc, si autant tu dis rien, autant tu balances pas un truc aussi. C'est-à-dire que les gens vagues. Les joueurs PSVR qui sont intéressés par le PSVR 2 sont vraiment sur les dents en ce moment. C'est que dès qu'il y a la moindre petite info, le moindre petit indice, c'est sous-entendu. C'est plus sur les dents. Il faut bien se rendre compte. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure sur nos tests de Puzzle Bubble, par exemple. Tu vois bien que sur... Et je te dirais l'inverse sur Song in the Smoke. Ah ouais, il y a du monde. quoi. Ben non, mais c'est un jeu solo, mais. Ah non, non, mais enfin... moi je te parle que surtout qu'il n'y a plus personne. Ah, sur le multi, il n'y a plus personne en multi. Les mecs, ils ont. Il y a une partie des gens qui sont barrés sur PC ou qui ont acheté un Quest. Il y a une autre partie qui ont leur PSVR qui est dans un tiroir et en ce moment ils jouent à la PS5 avec des jeux plats. Il y en a d'autres qui jouent avec leur PSVR sur PS5. Il y en a encore, mais il y en a un. Il y a nous, il y a nous et les gens qui écoutent. Voilà, c'est ça. Voilà. Suite à ça, donc ils se sont fait un petit peu harceler Big Planet Games. Et là, il en a eu marre. Il a commencé à balancer en disant que clairement, ils avaient remis en question la sortie d'Ultra Wings 2 sur PSVR, sans préciser de PSVR 2 ou quoi que ce soit. Et la raison, c'est qu'ils n'étaient pas éligibles au dev kit de la PS5, donc au PSVR 2. Donc ça peut correspondre parce que si Media Molecule, un jour avant, précise qu'il a reçu un colis avec 8 lentilles, c'est qu'ils auraient reçu effectivement le dev kit de la PS5, du PSVR 2. Et eux, ils ne l'auraient peut-être pas reçu, ils venaient juste d'apprendre la nouvelle qu'ils ne l'auraient pas en fait. Ça ne veut pas dire grand chose parce que vu que Big Planet Games c'est un tout petit studio, les studios first party vont être servis en premier, mais ça veut dire qu'eux ils vont peut-être l'avoir dans 6 mois ou dans un an. On est peut-être encore très loin de l'annonce d'un PSVR 2 en fait. Et c'est là que c'est l'ascenseur émotionnel parce que la veille on est à fond, on dit putain ça y est ça se rapproche. Et puis le lendemain mais il y a tout qui se casse la gueule parce que tu te dis mais non si ça se trouve ils ont 7 mois de retard, ils viennent juste de balancer les dev kits que maintenant. Et si ça se trouve, Jim Ryan avait dit qu'il en reparlerait en 2021, mais si ça se trouve en 2022 on sera toujours pas fixé quoi. Mais donc, tout prend du retard de toute façon. Tout ce qui est hardware, ça a pris dans les carreaux, ouais, forcément. C'est ce que j'allais dire, il y a toujours ce problème de semi-conducteur, parce que bon, il y a forcément de la techno et du matos en pénurie qui va servir à fabriquer le PSVR 2, donc ouais. Ça risque d'être le même souci, quoi. Moi, je dirais oui et non, parce que Sony, comme on en a déjà parlé, ils sont quand même dans les fondateurs de OpenXR. Certainement que le PSVR 2, on va l'appeler PSVR 2, on ne sait pas son nom, il sera certainement OpenXR aussi. Donc en fait, le simple fait de... Le NGVR. Ouais, ou le NGVR, c'est la nouvelle mode. Next Gen VR. Yeah. Wow. Mais comme ça, c'est bien la merde, parce que maintenant, tu es obligé de mettre deux hashtags quand tu veux parler d'un truc, ça te bouffe 5 caractères de plus. Déjà que sur Twitter, tu n'as pas beaucoup de caractères pour parler. C'est ça la modernité. Si tu veux. Les problèmes de geeks. Voilà. Donc bref, disons que si Sony prenait la parole même maintenant, même si le casque arrivait en 2023, les studios, ils commenceraient déjà à travailler dur sur des jeux sur PC, et après avec OpenXR, ils arriveraient à les porter assez facilement sur PS5. Là, tant qu'ils n'ont pas annoncé, les studios, ils n'ont même pas le coup de départ en fait. Les petits studios, ils disent pour l'instant, j'attends parce que je sais même pas si quand est-ce qu'il va sortir, s'il va sortir en 2023, s'il va sortir. Donc les mecs, ils sont pas optimiste. Affolés, quoi. Reste optimiste, de toute façon, pour le moment c'est juste un développeur indé qui a fait un petit revirement de bord là comme ça. Il a envoyé un mauvais message. Il a envoyé une crotte de nez parce qu'il n'était pas content de pas avoir le dev kit. Ce qui est pas normal, mais ouais, c'est surtout ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc bon, pour le moment, voilà, c'est pas ça va prendre avec des pincettes quoi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh ben ensuite, la deuxième info de la semaine, c'était le jeudi 14 octobre avec l'annonce du Vive Flow. Alors bon, ils avaient commencé à teaser, le rêve. HTC avait déjà commencé à... Oui, on le connaissait, le Kiki, hein, le Vive Flow, c'était le concept Proton qui avait déjà été annoncé, c'était en février 2020. Et donc, depuis, on avait vu le Proton. C'est vrai qu'il était sympa, il était machin, mais on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. En plus, ils en avaient parlé entre eux parce qu'il y avait, déjà le directeur de Vive, comment il s'appelait lui déjà, je ne sais plus son nom, Graham Weller, qui en avait parlé en février 2021 aussi, en disant que pour lui, les casques autonomes, ça ne servait à rien qu'ils aient un système embarqué. Et il fallait, c'était plus pratique de mettre un système, en fait c'était le téléphone portable qui devenait le système d'exploitation, et le casque était relié à un fil à son téléphone, et du coup c'est ce qu'il appelait les all-in-two, donc les lunettes légères connectées à un smartphone. Et puis, il avait déjà commencé à teaser, donc on savait à peu près déjà le Proton, ce que ça allait être. Et en plus de ça, il y avait également un autre directeur de chez HTC, qui c'était Yves Maître, CEO d'HTC. Lui, il avait déclaré que le Proton, c'était un modèle qui était vraiment dans un mode XR, et que c'était la même chose que le Cosmos XR, mais beaucoup plus compact. Donc dans la tête des gens, le Proton, c'était un casque VR, un vrai casque VR, comme un Cosmos, sauf qu'il était plus petit, quoi. Et donc, bon, le Proton, ben, bon, c'était un prototype, c'était un concept, ok. Sauf que là, ils ont commencé à teaser le truc avec Go with the Flow, leur petit trailer où on voyait très bien les deux lunettes du Proton. Donc c'était clair que c'était quelque chose qui allait tourner autour du Proton. Il y a eu pas mal de modifications. Et puis là, aujourd'hui, donc jeudi, on a su clairement ce qu'allait être ce fameux Vive Flow. Alors, le Vive Flow, qu'est-ce que c'est le Vive Flow? Donc, c'est, on va dire, une paire de lunettes. C'est plus proche d'une paire de lunettes que d'un masque de plongée. Mais c'est un appareil qui sera relié en filaire directement à un stock de batterie que tu pourras avoir à la ceinture, donc pour son fonctionnement. Donc, les batteries ne sont pas sur l'appareil, mais sont déportées. Et également donc il fonctionnera avec le téléphone portable. Donc le téléphone portable fera usage de manettes de contrôleurs et ce sera un casque qui est apparemment c'est tellement foireux comme truc. C'est un casque qui se réserve à des expériences de yoga ou des trucs de détente. Voilà, ou de regarder Netflix dans son canapé, bah, tu regardes Netflix sur un super écran géant, de regarder YouTube, mais ça va pas aller plus loin que ça. Il y aura pas de gaming, c'est pas un casque de gaming, c'est juste un casque, c'est même pas, on va dire c'est une paire de lunettes pour regarder des trucs à 500 donc, balles. Alors en gros, si... pas que. Alors attends, si je résume. Donc avant, tu avais les cardboard sur les téléphones portables, tu mettais ton téléphone portable, oui. Tu avais des applications oui. VR, tu n'avais pas de contrôleur, ouais, et, tu pouvais, et c'est un truc qui est monté en flèche et qui s'est cassé la gueule aussitôt parce que c'était un gadget et que les gens n'ont pas vraiment... Au-delà de ça, plus quali, tu avais quand même le Galaxy Gear, je crois que c'était. Et tu avais aussi la première version de Samsung du Gear. Quest, celui qui avait été fait, oui, Oculus. Oui, le Odyssey. Oculus Go. Voilà, ouais. Oculus Go, c'est ça. Donc ça a foiré. Et donc HTC, ils se sont dit, tiens, on va refaire la même chose, sauf qu'en plus, on va le vendre 500 boules. Sans le téléphone. C'est ça. C'est ça. Et sans le contrôleur. Et sans contrôleur. Oui, bah, sans contrôleur, comme justement les premières versions de casques cardboard foireux. Ouais. Bon, voilà. Alors, sans le téléphone, c'est pas vraiment un argument. Alors après, je sais pas quel type de téléphone il faut pour s'en servir, mais tout le monde a un smartphone. Android. Voilà. Tous les iPhones, déjà, c'est dehors. Ça marche pas sur les iPhones. Ah, bon, bah, donc déjà, ça, c'est un problème. Bon, bah, voilà. déjà, stratégiquement, il se coupe de entre 15 et 17% du marché. Donc, quand tu te lances sur un truc, tu essayes d'avoir un maximum de. Bon, bref. J'espère me tromper, mais ça. Après, attention, après, est-ce que c'est pas Apple qui fait le blocus aussi et qui les a pas laissés rentrer? Possible. Parce que ça serait pas impossible. Possible, c'est bien l'argent. Ouais. Oui, mais je veux dire. Parce qu'on sait pas ce que prépare Apple en VR. Si ça se trouve, ils ont un truc. Ils ont un truc. Avec eux, ils leur ont téléphone un truc, et tout. Donc, ils ont un truc qui arrive comme ça. Par contre, faut pas oublier que c'est là où c'était ambigu jusqu'à présent et maintenant ça l'est plus. C'est que moi, je pensais que c'était un casque avec un système embarqué et que le système, en fait, c'était le processeur de ton téléphone qui se servait. Mais en fait, ton téléphone, il sert à rien. Ton téléphone, c'est juste ta manette, en fait. C'est juste une application sur l'App Store que tu vas installer et qui va te permettre de faire fonctionner ton casque. Une prolongation de l'écran, quoi, en fait, le casque. C'est ça. Mais il faut quand même le téléphone pour le faire fonctionner, si tu veux. Voilà. Mais je veux dire, s'ils ont envie de mettre une application sur un iPhone pour transformer ton iPhone en manette et que ça fonctionne avec ça, théoriquement, ça devrait pouvoir marcher, quoi. Ouais, mais le problème, après, c'est que iOS est beaucoup trop fermé, donc ça fonctionnera pas. Tant qu'Apple ne donnera pas son aval, suffit en plus qu'il y ait une puce qu'il y a dans certains appareils Android et pas sur l'Apple. Apple vont sortir. Bah, Apple, ils, Oh, ils peuvent l'émuler, ça c'est pas un problème. Mais bon, par contre, oui, je pense que c'est sûr que si Apple arrive avec son casque derrière, ils ont peut-être bloqué. Ou alors ils ont tout simplement été cons et puis ils l'ont pas mis. Ça après c'est leur truc. Donc il y a ça. Et puis après il y a autre chose, l'écran. L'écran c'est du LCD, c'est 1600 par 1600 par œil. Donc l'écran il est pas foufou. 75 Hz en rafraîchissement, c'est pas foufou non plus parce que c'est le minimum. Après la taille de l'écran et tout ça, bon, ça peut peut-être se justifier par la compacité. Je sais pas si ça se dit la compacité, ouais. Enfin par le fait qu'il soit pas très gros. On a compris. Ah effectivement. Ça peut aussi venir de là. Faut pas voir le mal partout. Ah si parce que je te rappelle. Il faut voir le mal partout. Ah non, mais là faut arrêter de prendre pour un lapin de 6 semaines. L'expression vieux lapin. Oui. Ah, c'est un appareil depuis 86 hein, cette expression. Hein. Un appareil photo de un Canon par exemple, un EOS Canon en appareil photo. L'écran que tu as dans le viseur, c'est des écrans qui montent à 4000 ou 5000 ppi et qui font la taille de 1 cm à peu près. Donc là, ils te vendent un truc à 500 balles, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas mettre un LCD en plus, avec une meilleure définition que 1600 par 1600. Ça dépend la marge. C'est cher quand même. Hein. Ouais. 500 balles. Tout dépend de la marge qu'ils cherchent à la base. Oui, bah, la marge elle est énorme. Là, ils se gavent comme des porcs. À 500 balles, faut arrêter. Franchement, c'est super à 60. C'est hors de prix pour avoir des lunettes pour faire du yoga. Et puis en plus, tu n'as pas de manette. Tu n'as même pas de manette. Allez, on va regarder vite fait quand même. Mais je vous rappelle quand même que le Focus 3, il est à 1 300 $. Le pack, donc le casque Pro 2, le HTC Vive Pro 2, il est à 800 balles. Avec les deux manettes et les machins, il est à 1 400 balles. L'i Pro, il est à 1 399. C'est donné. Le Cosmo Elite, il est à 550 balles. Et là, à 50 balles de moins, ils te vendent un casque qui fait pas de jeu, qui fait juste du et qui est juste un joli aspect de lunettes, quoi, et qui a même pas un système embarqué. Et je vous rappelle quand même que à 500 balles, déjà à 300... Il y a un ventilateur. Oui, voilà. Tu as un ventilo avec une paire de lunettes. Et à 349 euros, vous avez quand même un Quest 2. À 349, surtout que le Quest 2 en refurb, maintenant tu le trouves neuf à 299 non, euros. Mais il enterre complètement le flow, c'est sûr, le Quest 2. Et avec 256 gigas de mémoire, tu l'as à 449 euros le Quest 2. Ce qui veut dire qu'avec un Quest 2 dans un foyer, bah, maman elle peut faire son yoga avec le Quest 2, mais le petit bout de chou il peut faire ses devoirs pour regarder un reportage historique, je sais pas quoi. Le papa il peut jouer aux jeux vidéo, et avec un seul casque dans le foyer, tu fais marcher toute la famille. Et là tu vas payer 500 balles pour avoir des lunettes. Alors c'est bien, c'est cool, c'est des lunettes. Et tu vas faire quoi dans ton canapé avec tes lunettes? Mais tu ressembles pas à une mouche avec le Quest 2, c'est ça le problème. Peut-être que les gens, ils ont envie de ressembler à des mouches sur leur canapé, à faire du yoga. Voilà. Alors, il fait 189 grammes, c'est bien, bah, il est léger. Bon, alors, mais à mon avis, c'est un truc qui va se prendre un râteau. Quoi. Calmez-vous sur le design, les gars. N'oubliez pas qu'au tout début, quand on a commencé avec nos casques VR sur la tête, on ressemblait à rien. On ressemble toujours à rien. Mais on s'est habitué, donc. C'est ça. Le design, bon, c'est pareil. La normalité un truc aujourd'hui qui nous paraît bizarre, et puis ça va devenir la normalité est devenue bizarre justement. Il faut qu'on ait l'air bizarre avec un casque, et là, ça on se rapproche des lunettes, et là les mecs disent, mais c'est quoi ça? Ils sont fous. Oh putain, une mouche. Non, mais moi ce que j'ai peur, c'est que justement avec cette utilisation un petit peu bancale de devoir utiliser un téléphone portable pour avoir des applications qui vont être quand même extrêmement limitées, ce genre de device, ça va encore donner une sale image à la VR. C'est-à-dire un truc qui n'est pas au point, qui est mal pensé, qui est mal... l'idée de base n'est pas bonne, quoi. Faire un truc qui n'est pas plus polyvalent que ce qui existe déjà, en moins cher et en mieux, je ne comprends pas l'idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Alors, est-ce qu'il ne faut pas le voir différemment? Parce que quand on se repenche sur tout ce que vient de dire Lolo, la gamme HTC en casque, elle est énorme. Oui, ils ont beaucoup de produits. Est-ce qu'il faudrait pas voir ça comme un casque, mais pour une autre fonctionnalité? Pas forcément comme un nouveau casque VR à proprement parler, mais plutôt un casque VR pour un nouveau besoin, en gros, ou un besoin différent. Parce qu'au final, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. T'as, t'as, T'as le focus pour bon bah qui reste très cher, on est d'accord par rapport au Quest, mais t'as le focus qui lui fait de l'autonome, donc du mobile, du casque pour aller partout. T'as le Cosmos, je crois, qui est le top du top. T'as le Cosmo entrée de gamme, là, ou je sais plus comment on l'appelle, pour pouvoir quand même accéder à la VR sur PC pas trop cher, même si c'est encore un peu cher par rapport à un Quest. Donc ils sont au final, ils ont une gamme de casques pour chaque truc, sauf qu'au lieu de sortir tout d'un coup, bah finalement ils les sortent par à coup. Et est-ce que c'est pas nous justement qui avons pris ça, encore une fois, tu vois, ça revient à ce que tu disais, ça, tout à l'heure, sur le fait de se hyper pour, pas grand chose. Hein. Est-ce que c'est pas nous, joueurs ou même personnes lambda, qui avons pris ce casque pour ce qu'il n'est pas, et qui va recevoir du coup un mauvais accueil, bon, à juste titre ou non, parce que bon, nous on l'a pas essayé pour l'instant, on parle par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on nous a présenté, mais est-ce qu'il va pas recevoir, voilà, un mauvais accueil plus par un manque de compréhension que par un manque de qualité ou de mais besoin? Je pense pas qu'il aura un mauvais accueil, il aura un mauvais accueil de la communauté de joueurs VR. Mais c'est bien pour ça. Après, nous, on en parle, on est joueurs, on parle de VR, mais aujourd'hui, qui, à part les joueurs VR, parle de VR? Demain, à Télématin, t'as trois journalistes qui montrent les lunettes et qui disent « Regardez, j'ai fait du yoga à mon appartement. » Ben, ils en vendent je sais pas combien au téléachat. Parce que t'as tous les gens qui habitent en ville, qui sortent pas beaucoup et qui aimeraient se retrouver un peu à la plage au lieu d'être en plein milieu des bagnoles, et ben ils vont être contents d'acheter juste ça parce qu'ils aiment pas les jeux vidéo. Il y en a, ils vont être là juste pour regarder. Ils ont une toute petite télé avec des lunettes comme ça, ils auront un écran de 6 mètres. Le voir comme un autre besoin, ça peut marcher comme un casque VR à proprement parler. Quoi. Non, je pense qu'il va se faire démonter par les joueurs VR. Ça c'est sûr parce que justement il avait été annoncé le Proton avait été annoncé comme une extension du Cosmo mais en plus petit, donc beaucoup de joueurs je pense s'attendaient à avoir quand même quelque chose qui se branche sur Steam VR. J'en fais complètement partie, c'est pour ça que je suis extrêmement déçu. Et c'est là qu'est la déception en fait. Moi, je m'attendais vraiment à un casque polyvalent que tu pourrais brancher sur ton ordinateur et l'utiliser clairement comme un Quest 2 sur ton PC. Voilà. Et j'attendais vraiment justement d'avoir des nouvelles de ce device-là. Alors, si c'est la prolongation d'un écran de smartphone, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible sur PC. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de contrôleur, quoi. Si c'est la prolongation d'un écran, t'as ta souris, ton clavier. Je suis sûr mais que... Tu joues pas souris clavier en VR sur PC. Avec Vorpix, tu fais pas du motion gaming. Alors sur certains jeux tu peux déjà, et sur en règle générale, en plus c'est à la manette, tu joues pas clavier souris, enfin très rarement. Ouais, mais tu peux quand même jouer à la manette avec ça. Enfin, si t'as pas de contrôleur, mais si c'est la prolongation de ton écran. Ouais, mais du coup c'est comme si t'avais un autre écran sur les d'accord, yeux. D'accord, mais du coup tu te coupes quand même de tout le catalogue qu'il y a sur Steam de jeux VR. Et là je te parle pas de trucs Vorpix. Non, mais là je parle de contourner le truc parce que ça n'est pas, comme je t'ai dit, finalement ça n'est pas un casque de jeu. c'est pas la gamme ciblée. Mais c'est pour ça que je suis déçu parce que moi je voulais me débarrasser enfin de mon casque Oculus Facebook du gros truc. Ouais. J'allais dire Facebook, enfin Oculus Facebook de merde. C'est pas le casque qui est de la merde. J'aime beaucoup le Rift S, c'est Facebook. Voilà, mais ça on en reparlera. Et voilà, et je suis déçu qu'il y a un truc, voilà, forcément qui correspond pas à mes besoins et ça m'emmerde quoi. Parce que justement, il faudrait. Je comprends ta déception, mais du coup c'est de l'incompréhension finalement. Ou alors peut-être pas puisque. Et je pense pas être le seul. Hein. Il semblait dire ouais non mais c'est pour ça que je dis peut-être pas parce que par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure sur les premiers propos par rapport au flow, mais voilà, finalement bon la cible c'est pas les joueurs. Si les joueurs ils veulent un casque, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que de toute façon il sort un câble USB-C sur ce casque. Bon, certes les écrans dedans c'est du LCD. Oh, le lapsus. C'est con des fois. c'est du LCD en 1600 par 1600 pixels. C'est le côté yoga, ça. C'est pas un super écran, mais c'est pas non plus un écran pourrave. Faut pas non plus. Il a un petit look sympa, et l'avantage c'est que tu mets comme des lunettes, hop, c'est fini, tu le branches et puis c'est réglé. Donc je serais pas étonné qu'il y ait des petits malins qui arrivent à le faire tourner sur Steam VR, ce truc-là, et qui arrivent même à prendre les contrôleurs Vive et les faire fonctionner avec. Je suis sûr qu'il y a une petite ligne de code quelque part qui va permettre ça. Par contre, dans ce que je comprends pas alors, c'est qu'à 500 boules, pourquoi ils communiquent pas là-dessus? Pourquoi il nous balance un truc. Là, il nous le présente comme un truc. Allez les minettes, vous allez vous faire du yoga avec vos lunettes tranquille. Vous allez vous détendre dans votre appart et puis point. Vous allez rien faire d'autre. La vidéo de présentation, la vidéo de présentation, c'est clairement ça. Hein. Ah bah c'est ça, plus. C'est ça. C'est ça qui est présenté et les mecs de Vive le présentent comme ça en plus. Et c'est là que tu te dis, allez, ils veulent teaser le truc, ah, ils vont faire un petit bad buzz, mais derrière ils vont nous annoncer le grand jeu. Mais pour marquer les esprits, tu balances tout de suite. Tu dis bon, allez, vous pourrez le brancher sur un PC, vous pourrez vous servir de vos contrôleurs Vive. Bah là c'est bon, ils ont tout gagné. Les mecs, ils arrivent et même là, moi 500 boules, ça, et il faut arrêter les conneries, hein, parce que tu compares au tarot d'un Quest ou même d'un Cosmos, le Cosmos il fait 50 balles de plus, franchement, il n'y a pas photo, parce que faut pas oublier non plus que ces paires de lunettes, elles ont 4 gigas de RAM et elles ont 64 gigas à l'intérieur de stockage. Donc un Quest, le minimum c'est 128, je crois déjà. Et non, après, c'est pas 256. C'est pas 64, justement, le minimum ? Non, c'est 128. Quest 2, c'est 128. Et tu as en option, c'est 256 gigabits. D'accord. Okay. Donc là tu es déjà deux fois moins que la plus petite configuration du Quest 2. Et le Quest 2, il est quand même à 128 gigas. Il est à 349 €. Donc, c'est sûr que ça va cibler des gens qui ont déjà pas mal de sous. Comme disait Majo, ça va pas cibler les gamers, c'est pas le but. Et en même temps, ils ont pas envie non plus de court-circuiter leurs produits entre eux, entre le cosmos et... Mais par rapport à ce qu'il y a dedans, par rapport au plastique, aux écrans et tout ça, à 50 balles de plus, moi je pars carrément sur un Cosmos Elite, quoi, c'est vachement mieux. Bon, après, c'est pas pour la même clientèle, ça va être des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, qui n'ont rien à foutre de ça, qui veulent juste avoir une grande télé et pouvoir se détendre dans leur appartement. Mais bon, ça les vaut pas, quoi. Alors, si demain ils te disent que tu peux le brancher sur un PC et que tu peux t'en servir, et que c'est pourquoi pas, parce que t'as quand même ce truc qui est pas négligeable, c'est de pas te faire chier à enfiler ton casque, à le serrer derrière, tu mets tes lunettes, paf, tu prends ta manette et tu joues. Avec le son intégré. Avec le son intégré. Le son est dedans, le son est intégré. Ouais. Le son est intégré. Alors, merde, qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas. De la merde, certainement. Oh. Ça peut t'aider. Oh, on va y couper, merde. Oui, ça y est. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un casque gaming, parce qu'ils se sont peut-être aperçus que ce format de casque-là n'est pas possible pour pouvoir jouer. Ah, c'est pas bête. Si tu bouges un peu trop la tête, si ça se trouve, tu le perds. Ouais. Vous êtes souvent, vous peut-être ah, Marc, il y a des jeux. Ouais, Marc, il y a quand même des jeux, c'est quand même super physique. Hein. Ouais, c'est vrai. Le format lunettes, peut-être que c'est pas possible. Il est quand même très léger. Avec les matériaux qu'on a. Il est quand même très léger. Oui, mais. Justement. Les branches, elles s'appuient sur ta tête, sur ton crâne, sur le côté, mais t'as rien qui sert en fait le truc. Tu peux donc pas rajouter si un petit arceau derrière, la tête. Sur le Proton, il y avait deux modèles. Il y avait le Proton avec la batterie arrière et qui faisait tout le tour de la tête. Donc celui-là qui était peut-être un casque gamer. Et celui-là, c'est peut-être le premier Proton. Donc celui qui est plus axé pour se détendre et tout. Et il va peut-être y en avoir un autre derrière, par contre. C'est sûr qu'un truc comme ça, t'es dans Resident Evil, t'as un zombie qui s'approche de ton épaule avec un truc comme ça. Tu fais un geste brusque, t'as les lunettes qui sont par terre, tu défonces le casque. En plus, ouais. À 500 balles, t'es content. Bon, voilà. Bon, on verra. Écoute, moi j'espère quand même qu'ils vont pouvoir proposer quelque chose d'autre après. Ça pourrait être quand même bien... une bonne alternative du Quest 2, parce que c'est vrai que le problème, c'est que vu que le Quest et Facebook qui est tout seul sur l'autoroute de la VR portable, c'est ça. Il faut de la concurrence, quoi. Il faut toujours de la concurrence justement pour éviter qu'il y ait un monopole. Ils sont pas tout seuls, mais bon, ils ont le monopole parce qu'il y a quand même le Pico Neo 3 et il y a. Ouais, ils sont tout seuls, quoi. Focus 3. Ouais, mais Vive aurait pu titiller le truc. Alors qu'ils s'en éloignent, ils partent plus, plus le temps passe et plus ils sont en train de taper le haut de gamme un peu de partout. Et ils n'ont pas vraiment de produits grand public. Parce que là, pour 500 balles, pour cette paire de lunettes, pour moi, ce n'est pas grand public. Moi, un truc comme ça. À 300 euros, oui, c'était le bon prix pour ce genre de truc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Valve plutôt la solution avec Steam et, peut-être. Et leur expérience en VR, plus que HTC. Un casque embarqué Valve ? Ah, mais il arrivera, hein. Il arrivera, le casque Valve. Bah, est-ce que ce serait pas le meilleur concurrent ? C'est fort possible, ouais, si. En tout cas, c'est pour l'instant, petit à petit, il en prend la place, hein, c'est clair. Depuis qu'ils ont quitté HTC Vive, maintenant ils sont indépendants. Là, Valve, je pense que... Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un casque... Je ne sais pas si d'ailleurs s'ils n'en ont pas déjà parlé de ça, qu'ils étaient en train de développer leur propre casque. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi cette semaine que Facebook est en train de travailler sur le même type de produit que le Vive Flow. Hein. Donc Facebook vont aussi sortir une gamme de lunettes. Je pense que c'est ce sur quoi travaille Apple aussi. Oui, ouais. Plus des lunettes AR. Parce qu'après, il y a tout le marché aussi. Ça l'est aussi, hein, parce qu'il y a quand même deux caméras en façade derrière les lentilles. Oui, mais t'as pas de tracking avec deux caméras. Enfin, il faut au moins quatre caméras pour avoir un tracking correct. Non, mais elles servent quand même bien à quelque chose, ces caméras. Ça peut servir à voir ton environnement, à afficher quelque chose dans ton environnement. Donc c'est pour ça, tu vois, on est aussi sur de l'air. Mais l'autre marché de ce type de lunettes, ça va être des systèmes d'exploitation, comme on avait vu avec Facebook, des systèmes d'exploitation intégrés au casque où tu n'as plus d'ordinateur. Tu as directement dans le cloud le truc qui est connecté, ton casque est connecté, et tu as ton ordinateur directement en AR qui s'affiche devant toi, comme Facebook l'a présenté il y a pas si longtemps. Pour utiliser ça, il faut quand même du tracking. Ah, il faut du... Oui, mais Si tu veux interagir ou ce genre de choses, il te faut du tracking. Devant un écran d'ordinateur ou devant un spectacle ou un écran de télé, tu n'as pas besoin d'avoir quatre caméras pour traquer vraiment toute ta tête. Tu vas rester la plupart du temps, tu vas juste faire des petits mouvements droite-gauche, mais pas plus, quoi. Donc, non, mais c'est pour traquer tes mains surtout. Ouais, mais s'il y a des contrôleurs. Bah, disons que non, tu vas non, pas. Non, mais il n'y en a pas là de contrôleurs sur le flow. Non, il n'y en a pas. Là pour l'instant, ils te présentent ça. Le contrôleur, c'est ton téléphone. Mais alors, moi, je m'étais dit, il y aurait peut-être de l'end tracking, mais c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de capteur pour l'end tracking sur ce truc-là. Sinon, il va coûter 9000 balles. Mais. Il y en a sur le Quest. Non, mais il y en a sur le Quest. Oui, bah, le Quest, il a Quest 2, il a les quatre petites caméras qui partent dans les quatre coins, donc il arrive à traquer tes mains. Celui-là, les deux caméras, elles sont vraiment au centre de tes yeux, donc c'est vraiment plus de l'AR, des lunettes. Mais si le fove le rayon de capture de l'optique, il est suffisamment large, peut-être que ça suffit. Non, bah, c'est des fisheyes, hein, ils prennent à 180 degrés les deux caméras. Mais sur le Quest, tu as deux caméras qui visent en bas, justement pour les contrôleurs, et deux en haut, et les quatre caméras te font une localisation pour triangulariser ta position. Mais c'est chaud. Alors ça ne veut rien dire, et trianguler, c'est avec trois coins, donc ça marche pas. Oui, non, mais je veux dire les quatre caméras permettent de te repérer, mais c'est pas ça. C'est surtout que pour moi ce truc là faut oublier le gaming parce qu'il a pas été conçu pour ça. Et par contre, je verrais bien le truc qui arriverait avec HTC vont peut-être sortir leur propre métaverse avec un réseau social VR, et là tu achèteras ces lunettes et tu seras dans le métaverse avec ce genre de truc ils te l'ont vendu, hein, dans le bah, ils l'ont vendu dans la présentation, ils là, en quand ont parlé, les deux ouais. qui se serrent ouais. qui se serrent la main en voilà, coaster voilà. et tout bon bah ça c'était pas beau par contre, mais bon ouais enfin faut pas prendre ouais. Ouais. Ouais. Bon, mais je vous propose... peut-être qu'il y a autre chose derrière, on va voir, mais en tout cas pour le gaming il faut oublier déjà. Bon, avec 64 gigas il faut oublier, quoi. Je vous propose du coup de laisser un petit peu ce flow de côté parce qu'on va rien obtenir en tout cas pour le moment, je pense, qui va être intéressant pour nous. Et puis on va passer à la suite, s'il y a une suite. Laurent, rassure-moi, il y a encore plein de choses à raconter. Ah ben non, non, non, il y a des jeux après. Parfait, donc on va pouvoir parler de Facebook un petit peu. La meilleure nouvelle de la réalité virtuelle, selon moi. Donc, vous le savez tous, parce que tout le monde est sur ce putain de réseau social de merde. Je vais finir par me faire kicker, je pense, définitivement. Non. Ah, bravo. T'as une annonce à nous faire, Majo? Pas d'annonce, non, non. il est juste pas sur Facebook. Titi est plus, voilà, c'est bien. Parce qu'il y a eu une panne le 4 octobre, je crois, de 6 heures. Donc de Facebook et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire tout. T'as Instagram, Oculus. Oculus, t'as qu'est-ce que t'as d'autre comme truc? Bah t'as Facebook, t'as Messenger, Messenger qui marchait plus. Il y en a d'autres qui déconnaient. Hein. Donc, enfin bref, c'est le bordel. Voilà. Ouais. Et t'avais donc Oculus aussi qui avait planté. Et moi, par exemple, je suis sur un compte Oculus. J'ai pas encore lié de compte Facebook à mon compte Oculus qui est sur PC. Mais j'avais accès à mes jeux installés. Je pouvais plus, par contre, faire de mise à jour ni installer de nouveaux jeux, même ceux que j'avais achetés. Et pire pour les possesseurs du Quest, ils n'avaient plus accès à leurs jeux, même ceux installés. Si tu peux pas te connecter à ton compte Facebook, en fait, tu ne peux pas utiliser ton casque. Et c'est quand même assez dramatique. Donc il y a eu une panne de 6 heures pendant lesquelles, eh ben, si tu avais envie de faire une petite partie en VR, ben, tu l'avais dans l'os. Et le 8 octobre, quelques jours après, une autre panne de 2 heures, en fait. Apparemment, un problème d'aiguillage de serveur ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. D'où, pour moi, je le répète encore, l'énorme danger de lier réseau social, tentaculaire et réalité virtuelle. Parce que c'est quand même super, super emmerdant de devoir te connecter à un truc aussi, j'allais dire instable, même pas dans son infrastructure, mais instable lié à ton compte Facebook, où tu peux te faire kicker facilement, où tu peux te faire censurer facilement, où tu peux te faire... Le souci, c'est le ton identité. Enfin, c'est un, ce que Facebook essaie de faire, c'est de te créer une identité numérique. Oui. Et de t'enfermer du coup dans cette identité, pardon, et de lier toute ta vie numérique avec cette identité. C'est ça. Et c'est là où c'est dangereux parce que, bah, comme tu dis, en cas de ce genre de problème, en fait, tu peux tout perdre. Mmh. Alors là, c'est l'espace de 6 heures, mais comme tu disais, si tu te fais ban ou kicker comme c'était arrivé il y a quelques mois à ton compte et puis il y a quelques années au compte du groupe, là t'es emmerdé parce qu'effectivement les jeux c'est fini. Et kicker en étant innocent, ça je le rappelle. Hein. oui, kicker en étant innocent. C'était juste un truc pour rappel que Facebook m'avait proposé justement d'envoyer je crois une vidéo qui venait de Vrac sur le groupe VR4Player et il m'avait proposé aussi PlayStation France ou un truc comme ça, enfin bref. Et donc ban un mois et demi je crois ça a duré à peu près. Donc voilà, danger, et puis comme tu dis, le fait de lier ton compte et de te créer une vie numérique complètement contrôlée, ça m'emmerde de plus en plus, et la nouveauté aussi du nouveau Windows 11 là, qui vient de sortir, qui est sorti il y a quoi, il y a une semaine et demie, un truc comme ça, moi je peux pas l'installer, et je dirais pour le moment heureusement, tout simplement parce que mon ordinateur est pas... Parce que ton PC est pas assez puissant. Il est pas assez puissant. Et ça me ferait bien mal ça parce que je veux dire, c'est ce qu'il y a écrit. Pour Windows 11, il est pas assez puissant. Il est pas assez puissant. Alors j'ai un processeur de Barjo, une 3090, 64 Go de RAM, mais c'est vrai qu'il est pas suffisamment puissant. Non, en fait, plus sérieusement, il est pas éligible parce que je suis pas connecté à un compte Microsoft sur Windows, et ça il est hors de question de toute façon que je me... Enfin, j'en ai un compte Microsoft, hein. J'ai ma Xbox One, j'ai mon compte, lier tout ça et surtout lier tous tes trucs en fait que t'as comme ça numériquement, je trouve ça extrêmement dangereux et extrêmement intrusif en fait. Et d'après ce que j'ai vu, même sur Windows, il y a très très peu de monde qui relève ce problème. Il y en a quelques-uns comme moi, des casse-couilles qui trouvent ça vraiment limite et qui n'aiment pas l'esprit, qui n'aiment pas cette philosophie là. Mais finalement, dans les médias généralistes, c'est quand même assez peu mis en avant, j'ai l'impression. C'est super grave. C'est super grave parce que ça peut devenir... C'est ton outil de travail pour certaines personnes, ton ordinateur. Et imagine du jour au lendemain, tu dis un truc pour rigoler, ou un soir où tu es un peu picolé, tu fais une connerie sur un réseau social, ça leur plaît pas, ils te bloquent ton compte Microsoft et tu peux plus travailler. À cause de... Donc oui, parce que c'est super grave, quoi. En fait, il faut rappeler, donc, parce qu'on parle de Facebook et d'Oculus et de la plateforme de jeu d'Oculus, mais c'est surtout qu'en fait le problème, c'est que même les gens qui avaient acheté des jeux qui ne jouent pas en streaming dans leur bibliothèque, du coup ne pouvaient pas, et qu'ils avaient téléchargé, donc ils avaient physiquement sur leur casque ou sur leur PC, ne pouvaient pas jouer en fait. C'est ça le problème. Juste à cause de ce problème d'accessibilité de compte. Et nous, dans le groupe, on a eu Steph, justement, qui a le Quest 2 et qui a fait tous les tests possibles et qui ne pouvait pas jouer à son Quest 2 pendant la période de down des serveurs de Facebook. Donc voilà, donc en fait, ce qui est important, du coup, pour regrouper un peu tout ce qu'on a dit, c'est que même si tu es propriétaire de quelque chose, tu ne pourras pas l'utiliser. Mais parce que t'es, ouais. parce que tu me l'as... Juste parce que tu peux pas loguer ton compte parce que ton compte est banni. Et tu me l'as dit. Pour X ou Y. Et je crois que c'est toi qui me l'as dit dans le Discord. T'es pas propriétaire de tes jeux que t'achètes quand ils sont en démat. Non. Et ça fait chier. Toi, j'ai acheté plusieurs jeux quand même sur Oculus hein, pour le PC, dont des jeux que j'ai vraiment pas envie de perdre. Asgard Wrath, ça me ferait chier de le perdre. Et tu vois, je virerais bien moi aussi mon compte Facebook qui me sert plus à rien, quasiment. Mais je ne peux pas, parce que je sais que je crois que ça va être en 2023, je vais être obligé de lier mon compte Oculus à mon compte Facebook, et que si j'ai pas de compte Facebook, et ben tout ce que j'ai acheté avec mes sous, et ben je l'aurai plus, j'aurai plus accès. Et ça fout vraiment les boules. Et c'est pas un système sain, quoi. C'est pas un système sain. J'en reviens à Facebook qui veut faire son système d'exploitation. Non, non, mais vas-y, je dirai après. Ouais. Et juste, après, on va peut-être me répondre aussi, oui, mais toi, sur PlayStation aussi, t'as ton compte Steam, etc. Oui, mais le truc, c'est que ce sont des comptes qui sont destinés à jouer et basta. En fait, c'est uniquement pour ça. C'est pas lié à d'autres activités. Et tu peux quand même jouer sans être logué. Exact. Après, tu peux pas jouer online, mais tu peux quand même jouer à tes jeux solo. Qui sont installés. Alors, c'est en train de changer, donc on va pas non plus s'emballer, puisque y a beaucoup de jeux qui demandent une connexion permanente maintenant même pour jouer en solo. Donc ça, c'est pas non plus le bon plan, mais ça commence à arriver. Mais bon, pour l'instant, c'est encore le cas. C'est que même si t'as perdu ton mot de passe, un truc tout con, hein, mais t'as perdu ton mot de passe de ton compte, tu peux quand même jouer à tes jeux solo. Voilà, si ta console est ta principale, je crois, il y a un système de console principale sur PlayStation. Parce qu'il me semble que si ce n'est pas ta console principale, tu ne peux pas accéder quand même à tes jeux, même s'ils sont installés dessus. Donc voilà. Vas-y, Laurent, tu voulais dire, excuse-moi. Non, tout à l'heure, je parlais du système d'exploitation et on sait que Facebook sont en train de développer leur propre système d'exploitation, même un multisystème. Il y aurait un premier système parce que le Quest 2, il fonctionne sur une version d'Android, donc qui appartient à Google, et ils veulent s'en séparer de ça. Ils veulent avoir leur propre système. Et en même temps, la réalité virtuelle permettra bientôt, en passant par le cloud, d'avoir des systèmes d'exploitation, comme on a très bien vu, d'avoir des écrans virtuels en réalité augmentée, et du coup tu achèteras juste un clavier, tu taperas sur ton clavier et tu auras ton écran, voilà. Donc ce qui veut dire que là aussi, tu te balades sur Facebook, tu dis un truc qui plaît pas à quelqu'un, tu te fais fracasser, tu n'as plus de système, tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus d'outils de travail, et du coup ils te tiennent par les couilles, en fait tu peux plus rien dire. Et c'est ce qui arrive avec Windows 11, avec un compte Microsoft. S'il y a un truc qui va pas, tu vas être embêté. C'est ce qui arrivera, faut pas pour l'instant c'est pas le cas, mais ça va arriver aussi chez Apple. Au final t'auras et ces mecs là c'est pareil, ils vont avoir aussi des trucs comme Netflix ou des machins comme ça. Si tu dis un truc dans un commentaire ou ton gamin fait une connerie dans un jeu vidéo, dans GTA, et que tu te fais bannir, les répercussions que ça peut avoir sur une famille et sur la vie de quelqu'un, c'est là où c'est pas sain. J'adhère pas du tout à ce genre de truc non plus. Et surtout que Facebook, au niveau de la censure, c'est quand même assez limite, quoi. Je sais pas si vous avez entendu parler de la censure de Resident 4. Resident Evil 4 en VR, qui va donc sortir sur Quest 2. Qui ça doit être très très bien, hein, d'ailleurs, hein, même si c'est un petit peu daté graphiquement, mais bon, voilà, c'est Resident 4, hein, ça a quand même 15 ans, je crois. Et il y a des pans de jeu qui vont être censurés. C'est-à-dire que le jeu a 15 ans, il y a des blagues un petit peu limites, tu vois. Il y a un personnage qui a un petit peu un beauf dans le jeu, qui faisait des petites réflexions sur un personnage féminin dans le jeu. Tous ces trucs-là, coupés. T'avais des dialogues entre l'opérateur et puis le héros qui flirtouillait un petit peu, tout ça, hop, coupé, parce que ça plaît pas à Facebook. Et Capcom a dit à Facebook, ok, pas de problème, on vous laisse la licence, de toute façon vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont même pas le respect de l'œuvre. Qu'on aime ou qu'on aime pas, d'un monument du jeu vidéo, quoi. C'est le problème de tout ce qu'on vit en ce moment, enfin, c'est les mœurs qui c'est les mœurs qui malheureusement d'un point de vue culturel, c'est un peu les mœurs américaines qui arrivent sur d'autres terres, et Et c'est ça, enfin c'est le puritanisme, c'est la licitude, il faut froisser personne, faut faire de mal à personne, faut avoir le même avis que les autres sous prétexte de, enfin pour ne pas froisser ou. Il faut toujours dire que s'énerver ou s'engueuler avec des gens. Sur Resident 4, c'est des blagues. Non mais au-delà de ça, c'est la personnalité du mec. Je veux dire, c'est un personnage. Il a cette personnalité-là. C'est un personnage bouffe. Il faut que ça raconte l'histoire comme ça. Enfin voilà, il est comme ça. Il est présenté comme ça. Il est caractérisé comme ça. Il ressemble à ça. Mais et j'irai même plus loin. Personne dans cette situation, personne ne se préoccupe de la vie des beaufs. Personne ne leur a demandé. C'est vrai. Hein, ils sont sous-représentés. Pourquoi est-ce que on les cancelle? Heureusement qu'on est là d'ailleurs, parce que c'est sinon, il n'y aurait pas de la voix du beauf. Voilà, si vous aussi vous êtes beauf, donnez-nous votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Vive les beaufs. Non, mais c'est non, beauf de France, comme disait l'autre. Mais comme tu dis, c'est vraiment le puritanisme américain, parce que c'est pareil, c'est le film Splash avec Tom Hanks et Daryl Hannah avec l'histoire de la sirène. Le film est ressorti sur Disney Plus il n'y a pas très longtemps, et pour la ressortie sur Disney Plus, à un moment la sirène sort de l'eau, une belle fille blonde et tout ça, et elle a les cheveux longs à peu près jusqu'en bas du dos, et quand elle sort on voyait ses fesses, et là maintenant Disney numériquement ont rajouté une touffe de cheveux pour que les cheveux descendent et cachent les fesses. Donc ils ont modifié l'œuvre originale parce que ça les choquait de voir une paire de fesses sortir de l'eau, quoi. El Rocco doit être déçu. Mais c'est clair. Je veux dire, ça devient d'une stupidité, d'une débilité profonde, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est dangereux. Moi, je trouve ça super dangereux, en fait, parce qu'en plus, je veux dire, ce soit une œuvre, on parle pas de la qualité de l'œuvre, mais quand tu commences à toucher un petit peu des produits culturels comme ça, même s'ils sont anciens ou récents, et que tu n'assumes pas justement la vision d'une époque. C'est que tu n'es pas capable d'apprendre du passé. C'est clair. C'est modifier l'histoire. C'est modifier l'histoire à ta convenance et aux mœurs d'aujourd'hui. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, de toute façon, toutes les censures, quelles qu'elles soient, ne sont pas bonnes. Je veux dire, il faut assumer certains propos. Il y a des trucs qui peuvent choquer maintenant. Toi, par exemple, j'avais vu Running Man il y a quelques. Et là, enfin, on digresse vachement, hein, désolé. Hein. Mais j'avais vu Running Man, tu vois, ça te balance des insultes, PD, et tout ça. Et alors que, franchement, t'écoutes ça maintenant, tu dis, bah vas-y, beauf de France, quoi. Mais pourtant, c'est Chouarzy qui était le héros qui sort ce genre d'insultes-là. Tu dis maintenant, ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est pas une raison de ressortir une édition de ce film-là et de couper ces mots, de les remplacer par d'autres insultes. Il faut assumer un petit peu. C'est plus le même. C'est plus la vision de l'auteur. Sauf si c'est l'auteur qui voulait donner à son média. Mais même. Après, tu vas tomber dans la folie à la Lucas de tout vouloir. Regarde, j'allais te dire, regarde Lucas, il s'est fait défoncer. Oui, mais je veux dire, c'est son bébé. Je pense qu'une œuvre. Il a le droit de le faire. Ouais, mais. Après, ouais, mais alors on va recontextualiser le truc, je vais l'imager différemment, je vais y arriver. Tu ne fais pas de la chirurgie esthétique à ton gosse parce que tu le trouves moche. Tu l'aimes comme il est. Ouais, il est beau, le mien. Bah, le mien aussi, donc. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est son bébé qu'il a le droit de tout faire dessus. Au final, son bébé, c'est lui qui l'a créé, mais il y a quand même une part culturelle d'évolution, de maturité chez certaines personnes, de façon de penser chez certaines personnes. Enfin, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. De toute façon, l'être humain n'est pas parfait et puis personne n'est pareil. Mais je pars du principe qu'effectivement, il faut laisser l'œuvre telle qu'elle est et puis la garder pour ce qu'elle a eu donné. Et c'est pas lui rendre hommage que de la modifier sous prétexte que aujourd'hui les mœurs ont changé et puis c'est comme ça. Enfin. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, donc voilà, c'était juste pour. De toute façon, les Lucas, j'ai toutes les versions, donc si j'ai envie de voir les originales, je les ai. Ouais, mais faut dire que tous les effets numériques qu'il a rajoutés dans les premiers, sur je sais plus quelle version c'est, enfin c'est dégueulasse. Il y a une version qui était très pourrie, ouais, c'est vrai. Alors que les maquettes, celle de 97. Moi je les ai revues, moi je les ai revues dans l'ordre. Donc j'ai commencé par la 4, 5, deuxième 6. Trilogie, ensuite ensuite j'ai fait la première trilogie, donc du coup celle des années 70. Et franchement, tout ce qui est décor, maquette et tout, ça a super bien vieilli, quoi. Ouais. Enfin, moi je trouve pas ça dégueulasse, quoi, pour un truc qui a 40 ans. Je trouve ça encore propre, quoi. Donc pourquoi aller rajouter des trucs, tu vois ? Enfin, ça n'a rien. Voilà, en fait, ça n'apportait aucune valeur ajoutée. Et c'est ça le truc, c'est que finalement, cette censure-là vient réduire la qualité de l'œuvre et n'apporte aucune valeur ajoutée. Mais, voilà. mais là, c'est encore pire que ça, parce que là, on ne parle plus d'auteur, là, on parle de modifier des œuvres. C'est comme si demain, je ne sais pas, moi, il y a une série qui déboule sur Netflix ou je ne sais pas quoi, et que Netflix décide, on vous la prend, mais on veut supprimer cette scène, par exemple. Et là, le mec, il dit non, ben d'accord, ben, votre série, elle ne vient pas sur Netflix. Mais c'est déjà le cas, bah, ça arrive déjà ça. Bah, oui, bah, voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler en fait. Ça arrive déjà. Bah, YouTube, hein. C'est que tout à l'heure, quand je disais, tout à l'heure, on montre du doigt Windows 11 parce que il n'y a pas beaucoup de systèmes déjà, donc il n'y en a pas 50. Mais déjà, il y a le truc obligatoire. Facebook, on sait que ça sera pareil parce que c'est déjà le cas. Apple, ça va être pareil. Allez, le prochain système, si ça se trouve, il va falloir un compte pour le faire tourner. Mais on va où après? On se retrouve avec des trucs de fou, quoi. Il n'y a même pas besoin d'aller très loin. YouTube, c'est déjà une censure monstrueuse. Ah bah bien sûr, en lui-même. Oui. Ah bah oui. Je veux dire, le fait que tu balances un truc et tu as un algorithme qui te dit oui, tu peux ou non, tu ne peux pas, bah, c'est une censure. Oui, ça veut dire que tu n'es plus du tout libre de dire ce que tu veux. C'est ça. Alors, tu as plusieurs degrés de censure, puisque bon, bah, pour les plus gros, c'est la monétisation au départ, et après, c'est le comment ça s'appelle, le strike. Le signalement. Ouais, des fois, c'est les strikes directs. Ça dépend. Et puis après, ben voilà, on te sucre ton compte. Mais enfin, à la base, c'est une plateforme où tu postes du contenu pour dire ce que tu veux. Enfin, YouTube, quand ça a été créé, c'était ça. T'avais n'importe quoi dessus. Alors après, je parle pas de faire des trucs abusés, genre des meurtres en direct ou des trucs comme ça. Ouais. Ça, bien sûr qu'il faut le censurer. Mais bon, parce que... voilà, c'était un glissant de toute façon, mais parce que t'as un problème de représentation ou parce que t'as passé je sais pas 3 secondes d'une musique ou un truc comme ça, je veux dire faut arrêter quoi, faut arrêter. Il y a tellement plus grave dans la vie, il y a des trucs qui méritent 100 fois plus d'être censurés que ça. Et c'est ça le drame, c'est qu'il y a pas, au final il y a même pas de demi-mesure non plus dans la censure. Alors tu parles de, à la limite, le cul dans La Petite Sirène, bon, ça mange pas de pain, ça n'abîme pas l'œuvre. Hein? Ça reste le mignon. Le cul de Daryl Hannah, ça s'abîme. Je suis désolé. C'est pas La Petite Sirène. C'est Splash, c'est Daryl Hannah quand même. On reste encore une fois sur un truc, si tu veux, qui a choqué quelques personnes, et ces quelques personnes. Mais pour des mauvaises raisons. Gueule peut-être un peu plus fort, et voilà. Pour des mauvaises raisons. Et en fait, moi ça me terrifie un petit peu. Mais bon, voilà, là on digresse, mais alors énormément. Ah ouais, là on est parti en cacahuète. Complètement en live. Mais voilà, en plus c'est vraiment pour de mauvaises raisons, parce que justement censurer un bout de fesse dans un vieux film, c'est ne pas faire suffisamment confiance en plus au téléspectateur pour ne pas être complètement excité et prendre l'actrice pour un espèce de bout de viande sexuelle outrancier. Et c'est tout simplement prendre les gens pour des cons aussi. Et bref, c'est pas un système qui me plaît. Mais donc, pour revenir justement à la censure de Resident 4, eh ben, je trouve ça exactement de la même façon. C'est enlever des dialogues qui sont au second degré ou qui apportent une petite personnalité au personnage, même si c'est beauf, même si c'est con, les retirer, c'est dire au joueur, tu es trop con, joueur, pour te rendre compte que c'est du second degré. Que c'est une fiction. Que c'est une fiction en plus. Tu vois, vu qu'on sait que t'es con et que tu prends tout au premier degré, eh ben on va l'enlever, c'est bon pour toi, c'est mieux pour toi. On pense à ta place, on te dit ce qui est bon. On pense à ta place et ferme ta gueule. Donc voilà, moi je. C'est-à-dire que ça c'est le rôle des parents, et en général, quand tu deviens majeur, on juge que t'es assez grand pour pouvoir comprendre par toi-même plusieurs choses de la vie. Mais là, en fait, les parents, les parents, maintenant, c'est Mark Zuckerberg. Tu continues de les avoir. C'est Zuckerberg, voilà. c'est tous ces connards-là, donc non, moi j'aime pas ça, et voilà, c'était un petit coup de gueule, une petite digression, mais je pense que de toute façon, on va passer C'était l'instant boomer. C'était l'instant. Parce qu'à l'époque, on pouvait insulter le tarlouze, il n'y avait pas de problème, hein, c'est bon. C'est ça, ouais, moi de bon moi temps. De bon temps, voilà. Mais bon, voilà, c'est chiant, quoi, c'est un petit peu inquiétant. Bon, Black Mirror. On va passer à la suite, si vous le voulez bien. Bien sûr. Où est-ce qu'on en est-on là? On va passer au test. Non, il y avait un autre truc à aborder, Majo. Tu voulais parler d'un studio, me semble-t-il. Oui. Alors, puisqu'on est dans la morositude, c'est la fête hein, ce soir. C'est pas... Je parle. Bon, c'est pendre. Pas une bonne nouvelle, hein, bien entendu. On va tous se pendre. Je parle souvent des jeux qui sont en promo day one quand ils sortent pour des nouveaux jeux. C'est une pratique que je trouve toujours un peu particulière et pas évocatrice. Enfin, évocatrice de la qualité d'un jeu, mais pas évocatrice de ce que le jeu devrait être. Enfin, bref. Et je vais aussi parler des gens qui nous disent bon ben ce jeu il a l'air bien mais je le prendrai en promo. Je comprends du coup que les gens ne puissent pas acheter tout un catalogue etc. Mais il faut aussi comprendre que le prix d'un jeu ça représente une part importante d'un développement. Puisque c'est pour rembourser un investissement, payer des gens qui travaillent, du matériel, des abonnements, enfin tout un tas de choses. Et en fait, avoir ce genre de raisonnement-là, ne va pas dans le bon sens pour justement des devs ou des studios qui se lancent dans une industrie et dans l'industrie du jeu vidéo. Et en l'occurrence, je vais parler d'Agartha Studio. J'ai repensé à ça. Enfin, ils ont sorti donc du coup un jeu qui s'appelait Stardust Odyssey. Très bon, d'ailleurs. Qui était un très très bon jeu, très atypique. Dans les incontournables. Exactement. On les avait reçus d'ailleurs dans le podcast. Ouais. On les avait eu tous les deux. Très sympa. Ils étaient deux. Ouais. Et du coup, le jeu était excellent, très bonne critique, je crois qu'il avait tapé les 8 sur VR Game Critic ou un truc comme ça. 8 ou 9, on lui a émis. Et donc on avait tous majoritairement aimé, on leur avait d'ailleurs dit ce qu'on en pensait. Et donc en faisant quelques petites recherches aujourd'hui, j'ai découvert qu'ils avaient déposé le bilan. Donc pour rappel, c'est un studio français, lyonnais. Lyonnais en plus. Voilà. Le jeu de mémoire était à 30€. Pas de bêtises. Et donc malheureusement, alors on n'a pas les chiffres, c'est compliqué d'avoir les chiffres de vente des jeux VR ou même du PSVR en général, mais j'en déduis que s'ils ont déposé le bilan, c'est que ils n'ont pas dû vendre suffisamment de jeux. Ça n'a pas marché de ouf. Voilà. Et en fait, ça me frustre parce que, alors, j'ai absolument aucune nouvelle d'eux. Hein. J'ai fait des recherches sur Internet. C'est pas eux qui m'ont contacté ou quoi que ce soit. Enfin, qui nous ont contacté ou quoi que ce soit. J'ai juste fait des recherches sur Internet et j'ai découvert. Donc, ils avaient déposé le bilan au mois de novembre 2020. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça fait un petit moment. Ça fait un moment. Enfin, que la décision, pardon, avait été prononcée en novembre 2020. Et donc, ça fait un petit moment qu'ils sont plus sur le marché, du coup. Mais je trouve ça dommage parce que, en fait, on a perdu un studio talentueux et amoureux de ce qu'ils faisaient, surtout. Parce que le jeu était fini. Il y avait une bande-son qui était faite avec amour et par des pros du son. C'était pas de la banque de données sonores récupérée sur Internet, etc. Donc, ils avaient vraiment essayé de faire les choses bien. On peut peut-être aussi dire qu'ils étaient peut-être un peu trop ambitieux finalement par rapport à ce qu'ils pouvaient faire et aux attentes de vente, mais ça avait quand même été un projet aussi qui avait été aidé par PlayStation. Et on avait discuté avec eux aussi de financement de leur jeu. Ils nous avaient expliqué que c'était en fonds propres à la base et que c'était pas facile du coup de démarrer. Mais voilà, enfin, je trouve dommage en fait qu'un studio comme eux ait fait faillite là où tu en as qui proposent de la merde et qui arrivent à s'en sortir. Alors malheureusement, c'est le jeu, hein, comme on dit, on peut pas réussir. Tu peux être le meilleur dans ton domaine et ne pas réussir parce que tu es moins bon en communication ou sur d'autres choses. Mais comme VR4Player. Je trouve ça quand même. Par exemple. Je trouve ça quand même dommage. Je trouve ça quand même dommage. On va pas tarder à les suivre. Comme ça. Je pense, Français. Français qui plus est, se retrouve dans la merde. Enfin, du coup, là, au plus bas, finalement. À cause de. D'un manque peut-être de com ou d'investissement de la part des joueurs. Après, faut pas non plus. Ou d'un jeu trop atypique. Ce que je veux dire, c'est pas dire que c'est de la faute des joueurs, etc. Après, t'es pas obligé d'aimer ce type de jeu, surtout que c'était un jeu quand même qui était assez atypique, même s'il avait une direction. C'est pour ça que je disais peut-être qu'il était aussi un peu trop atypique. Mais voilà, je veux juste repartir sur les gens qui disent bon, ben, je le prendrai quand il sera en promo ou machin. Enfin, n'oubliez pas que voilà, un jeu, ça a aussi un prix et en VR, on est quand même, on se fait quand même pas souvent violer en termes de tarifs. On a quand même. Ouais. Robinson's une journée à 60 boules pour un jeu de merde, ça je me souviens. Tu veux qu'on, non, mais c'est, tu veux qu'on parle alors, de Hitman c'était 3 Ouais, mais ça, c'est un très bon jeu. C'est ça la grosse différence, mon petit gars. No Man's Sky 15€. Voilà. Mais par contre. En promo, il n'est pas sorti. Il faut juste pas oublier. Non, Docaz est en boîte. Voilà, donc, il faut juste studio, pas oublier voilà, que. Il faut juste pas oublier que la majorité des jeux en VR, c'est 30-40€. Ça reste quand même vachement plus raisonnable que ce qui se passe sur des jeux plats. Enfin, où en minimum, un jeu neuf, c'est 50 balles. Enfin, 49-99. Ah bah, le Game Pass, c'est moins cher. Et au plus cher. Ouais, mais bon. C'est encore, il n'y a pas de VR sur le Game Pass. Là, on parle de VR. Bien joué. Voilà. Et du coup, c'est là l'importance en fait qu'il y a d'acheter un jeu à son tarif d'origine. C'est comme ça que ça fait vivre des gens aussi. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire pour parler du malheur de d'Agartha. Je sais pas s'il nous écoute. Je pense pas, mais en tout cas, j'espère qu'ils ont retrouvé du taf et qu'on les reverra sur des grosses prods et sur des trucs qui vont cartonner parce qu'ils avaient du talent. Ouais. Voilà. Ouais, carrément. Ça, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on ne sait jamais hein, s'ils écoutent. En tout cas, on leur passe bien le bonjour. Et puis, ils savent que cette nouvelle nous attriste un petit peu. On trouve que c'est un beau gâchis, mais bon. Oui, donc, puis, voilà. Et puis c'est pas ça aussi, parce que là il y avait l'anniversaire des 5 ans du PlayStation VR, et à cette occasion, PlayStation a sorti quelques articles, dont un qui présentait les jeux PlayStation VR les plus populaires dans le monde depuis la création, donc depuis le 13 octobre 2016, depuis la sortie du PSVR. Et les 5 premiers jeux qui sont les plus populaires, il y a Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, Skyrim et Resident Evil 7. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde par région, pour l'Europe, eh ben, c'est le même classement. Pour l'Amérique du Nord, c'est Rec Room, Beat Saber, Skyrim, Job Simulator et Firewall. Oh. Job Simulator, je vais pas le critiquer. Il est marrant comme jeu, mais bon, le truc le plus vendu sur 5 années de PSVR, c'est un truc de dingue, quoi, Job Simulator. Ouais. Et quand je vois ce genre de truc et que je vois que des jeux comme Stardust Odyssey n'ont pas réussi à trouver un public, alors que c'était un jeu qui était excellent, on lui avait mis 8,5 sur 10. Et même au niveau de mondial, hein, il avait reçu des très bonnes notes de partout et le public l'a boudé. Alors est-ce qu'il n'est peut-être pas sorti à la bonne période, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est clairement fou, parce qu'un jeu comme ça, il mérite bien plus que beaucoup, beaucoup de jeux qui sont dans le catalogue, quoi. Donc oui, effectivement, tu fais bien de le rappeler, les 5 ans du PSVR, bon anniversaire. Ça serait bien qu'ils. Ah, à noter d'ailleurs qu'ils offriront. Ils ont annoncé qu'ils offriraient 3 jeux. On sait pas ce que c'est. Au possesseur PSVR, membre PS Plus ouais. Au mois de novembre. Voilà. Et on sait pas ce que c'est. Vous aimeriez alors, quoi. J'espère que c'est pas des jeux que tout le monde aura, parce que. Vous aimeriez quoi. Moi, je pense que ça sera. Moi, ce que je veux, c'est des jeux que j'ai pas, mais je pense que ça sera pas le cas. Je pense que ça sera Astro Bot. J'avais dit Astro Bot. Forte chance. Oui, Blood and Truth. Je pense qu'ils vont le refaire. Moss, parce qu'il y a le 2 qui arrive. Et possible, effectivement. Sinon, j'aurais dit peut-être Wipeout aussi, ça pourrait être pas mal, parce que c'est. Ouais, il a déjà été offert en PS Plus. Moi, il y en a un que j'aimerais bien, c'est Ace Combat, pour juste profiter de la petite séquence sur l'avion de chasse. Là, j'aimerais bien sur le porte-avion là. Ouais, en tout cas, l'intérêt, c'est de faire découvrir des jeux. Mais Moss, je suis quasiment sûr qu'il y aura Moss, parce qu'ils parlent du Moss 2 là. Ils vont. Mais c'est pareil, il a été offert PS Plus il y a pas longtemps, hein, parce que je l'ai eu comme ça moi. Moss. Oui. Ah oui. Bah d'ailleurs, Polyark te remercie, Majo. T'attends que le jeu soit exactement. Gratos. Et puis après, tu donnes des leçons aux joueurs. Mais je paye. On va dire que je paye PlayStation, qui reverse de l'argent à Polyark pour se payer l'exclusivité de son jeu et le mettre en PS Plus gratos. Oh putain, mais t'es vraiment un petit malin, toi. Une petite anguille, hein, t'arrives à bien te t'as vu le commerce, mon ami. T'as vu ça un peu. Ah, il est fort, il est très fort. Ok, bon, bah je pense qu'on a fait le tour des news, du coup. Merci de me confirmer. Oui. Donc, je pense que c'est bon. On va passer à Song in the Smoke. Tu as pu mettre ton plus beau slip de peau de bête. Alors non, à la base j'étais tout nu. Alors, tu as pu commencer. Il a fallu que je tue un daim pour m'habiller. Bon, bah, très bien. Et, bah, et j'étais, personne n'a vu, mais j'étais en train de faire Song in the Smoke avec ma cigarette électronique, moi. Ouais, c'est, ah non, c'est vrai. C'est beau. C'est très radiophonique. Merci, Laurent. Exactement. Eh ben, nous t'écoutons, mon bon Majo. Qu'as-tu pensé de ce jeu? Alors, ben, Song in the Smoke, grosse surprise pour moi parce que. Bah, on savait rien. Ouais. Le peu de choses qu'on avait vues, c'était hyper intriguant. Enfin, on voyait des animaux, une forêt, on savait pas trop, un mec qui se baladait. Enfin, des mains qui se baladaient. Et puis, ben, donc, le jeu est arrivé. Alors, on a eu de la chance, on l'a eu bien en avance pour une fois. Donc, j'y ai pas mal joué. Enfin, j'ai fait, je dois être à une dizaine d'heures. Est-ce qu'on peut remercier le studio de nous avoir fourni la clé? On peut remercier le studio, je l'ai fait donc dans la preview que j'ai faite, mais on peut les remercier sur PSVR de nous avoir offert la clé. Merci à 17 bits. Voilà. Donc du coup, ouais, grosse surprise, donc développé par 17 bits, c'est leur premier jeu en VR. Alors de mémoire, ils avaient fait deux petits jeux. Faut peut-être le dire en anglais pour que ça passe mieux, parce que merci à 17 bits, je suis pas sûr de ton coup. Non, je fais comme Laurent. Comme Laurent. Je le parle en français. Tu fais du franglais, ok, ça marche. Exactement. Honneur au chef. Et donc, Song in the Smoke, c'est un jeu de survie. Ni plus ni moins. Alors, jeu... Scénarisé, hein. Bien scénarisé. Disons que ça parle pas, quoi. Il n'y a pas une parole. Faut partir du principe que c'est de la survie. Donc, le mec, il parle pas, c'est un bon Cro-Magnon... Et même dans le reste du jeu, si tu veux, il n'y a pas de parole. Et du coup, donc tu. Donc bien scénarisé. Tu es un survivaliste. Il n'y a pas de scénar. Il y a un scénar, si tu veux. Il y a un truc de suivi. Mais bon, je pense qu'il faut arriver jusqu'à la fin pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants. T'as un truc mystique. En tout cas, dans l'air. Exactement. Et donc du coup, ouais, j'ai fait donc ma preview en ne spoilant pas beaucoup, enfin au minimum du coup le jeu, parce que il a un gros aspect découverte. Alors j'avertis, je vais spoiler comme un salaud, parce que je me suis retenu quand j'ai vu le trailer. Ouais. Ah. Je me suis retenu et quand ah merde. Bah, faut m'éviter quand même. Faut donner envie, mais pas paniquer la surprise. Bah, le problème, c'est que PlayStation a spoilé au taquet dans le trailer de lancement qu'ils ont fait. Alors tant que c'est dans le trailer, tant que c'est dans le trailer, c'est pas spoilé. Je suis un peu blasé de m'être retenu. En fait, moi, je l'ai vécu. Donc du coup, on n'avait pas de trailer de lancement, on n'avait pas de review, on n'avait rien. Donc moi, je l'ai vécu vraiment comme une découverte, ce jeu. Mais quand je dis découverte, c'est qu'il faut, vraiment essayer plein de choses pour voir si ça fonctionne ou pas. Et le fait de voir des previews, le fait de voir le trailer de lancement, je te dis, où on t'explique, bah, ne serait-ce que le pilon pour faire ta mixture, ou déposer une mixture sur ta flèche pour faire quelque chose, enfin, tu vois, c'est le genre de truc que si tu l'essayes pas, tu le découvres pas, en fait. Et ça a une part hyper importante dans le jeu. Donc du coup, jeu de survie, donc à la le départ, tuto très simple, ça t'apprend à gérer le froid, la faim, à passer la nuit, à te créer du feu pour pouvoir t'éclairer et pour pouvoir te chauffer. Qu'est-ce qu'il y a? Le principe de base du jeu, donc à récupérer les pierres de champ qui sont éparpillées un peu dans la zone. T'as une carte, donc il t'explique comment sortir la carte, mais la carte ne se dessine qu'à partir du moment où tu as visité la zone. Donc tu es en fait totalement à la découverte, mais de tout. Et c'est ça qui est génial dans ce jeu, en fait. C'est ça qui fait vraiment tout le sel du jeu. C'est que tu ne sais rien, et en fait tu vas apprendre tout le fonctionnement, et même tu vas passer à côté de plein de choses parce que tu les auras pas essayé. Et donc, la base, ça va être forcément de récupérer à manger, alors à manger que tu pourras stocker ou non, que tu pourras manger directement. Pour ça, tu as une espèce de cape, en fait, que tu étales par terre et ensuite que tu enroules, que tu attaches, en gros. Tu le fais pas en vrai, mais j'image le truc pour comprendre. Et en fait, ça te sert d'inventaire. Tu vas avancer, tu vas récupérer un carquois ou tu vas mettre des flèches dedans. Ensuite, il va falloir que tu te fabriques des armes. Et tout ça, en fait, ça ne t'est pas expliqué. Je répète et j'insiste là-dessus parce que ça t'est pas... Enfin, ça t'est un peu expliqué, si tu veux, mais après, toutes les améliorations qu'il y a et tout ce que tu peux faire en plus, ça ne l'est pas expliqué. T'as une phase de tuto de 20 minutes, quand même. Hein. Elle est assez longue, mais en fait, tout ce que tu vois n'est que le prémisse de ce que tu peux faire, en fait. Parce que tu vas... Enfin, je te dis, tu vas même le fait de faire un truc tout con, mais quand tu vas tuer un animal, tu vas avoir la possibilité de récupérer plusieurs choses sur lui, en fonction de l'animal que c'est. Ce que tu vas récupérer de manière commune, quels que soient les animaux, ça va être de la viande, de la peau et des intestins. Tout ceci a une importance. La peau va te servir à faire du cuir. Donc le cuir va te servir à t'habiller. Faire un slip. Voilà. Entre autres. Chaque animal a une fourrure différente. Donc chaque fourrure d'animal te donnera des spécifications au niveau de tes fringues différentes, si tu veux, en fonction de ce que tu en feras. Mais tu vas aussi donc la viande qui va te servir à manger. Mais cette viande, elle a une durée de vie. Donc c'est-à-dire que quand tu vas tuer l'animal, elle est fraîche. Quand tu vas commencer à le dépecer, le temps va passer. Donc tu as un cycle jour-nuit. Donc quand tu vas commencer à dépecer l'animal, le temps va passer. Donc en fait, le temps que va te prendre le premier dépeçage, en fait, le reste de ce qu'il y a sur l'animal va s'abîmer. Donc plus ça reste dans l'animal, plus ça va durer longtemps, en fait, mais dès que tu l'extrais, ça va vieillir. Et en l'occurrence, la viande, elle pourrit au bout d'un moment. Et en fait, si tu commences par extraire ta viande... Ben, quand tu vas dépecer ensuite ton animal pour lui récupérer sa fourrure et puis les intestins derrière ou autre, si tu veux, ben, la viande, elle va pourrir. Elle sera déjà pourrie, quoi. Ce qui fait qu'elle va risquer de t'empoisonner. Donc en fait, il faut terminer par la viande de manière à ce qu'elle soit le plus fraîche possible pour que tu la ramènes chez toi. Mais la ramener chez toi, ça prend du temps. Donc est-ce que tu choisis d'aller directement la ramener à ton camp ou est-ce que tu continues ton épopée tout en sachant que même quand tu la ramènes, elle va continuer à vieillir sur ton camp. Donc il va falloir la faire sécher. Mais si tu la fais sécher, elle sera moins nutritive. Donc tu vas moins remplir ton estomac. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça, en fait, c'est de l'expérimentation. C'est des choses qu'il faut que tu essayes et qui ne te sont pas expliquées dans le tuto. Et en ça, le jeu est magique. C'est pour ça qu'il est super. Il y a un côté survie très, donc, très, très sec quand même. Exactement. Et c'est, j'avoue que c'est assez punitif. Donc après tu as un cycle jour-nuit. Donc sur les deux premiers niveaux ça n'a pas d'importance puisque le premier c'est le tuto et le deuxième c'est pareil, c'est juste la chasse, mais t'as pas vraiment d'ennemis, en fait t'as pas d'animaux qui te veulent du mal. Mais sur les niveaux suivants, la première chose qu'il va falloir que tu trouves, c'est un campement, et le campement c'est toi qui vas le créer, mais il va falloir trouver le bon endroit pour camper. Donc en général c'est les hauteurs pour ne pas être emmerdé par les animaux, mais il faut que tu trouves quelque chose qui soit abrité, parce que le feu est indispensable pour dormir, je dirais pas pourquoi, même si on l'a vu aussi dans le trailer, le feu est indispensable pour dormir, sinon tu ne passeras jamais la nuit et tu mourras. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Enfin, à 90%, puisque t'es pas obligé, mais bon, ça va devenir très compliqué. Et sauf que ce que t'apprends dans le tuto, c'est que l'eau éteint le feu. Donc si t'es pas abrité, la pluie éteindra ton feu la nuit, tu vois. Donc ça c'est pareil, ça met encore une notion de pression, de survie, si tu veux, permanente, de même, survie même réaliste. Quand tu dors, quoi. Exactement. Et en fait tout est fait comme ça. Le fait d'allumer ton feu, le fait d'avoir une durée, parce que ton feu forcément il est pas éternel, c'est pas parce que tu l'as allumé une fois qu'il va, après tu t'appuies sur un bouton et s'éteint. Non, c'est, tu mets du bois, tu le recharges, il faut qu'il ait sa barre de vie en gros qui soit suffisamment chargée pour que tu puisses passer la nuit tranquille. Et puis voilà, enfin tout cet aspect du coup gestion de survie est super bien retranscrit. Alors après t'as des armes. Donc massue et arc, ça c'est pareil, c'est pas du spoil, on l'a vu. Massue et arc, et qui sont relativement bien faites. Et donc les intestins, il faut les faire sécher, et du coup ça fait la corde de ton arc. Voilà, t'as ta réponse. J'allais la poser. Je me disais putain, mais les intestins, on en fait des ballons, il fait quoi là, il me répond. Et ça, alors tu peux en faire que ça. Après, tu peux aussi les manger, mais pour les bouffer, il va falloir les faire cuire. Putain, ouais, sinon, tu les mangeras pas. Tu peux faire du saucisson aussi. Et ouais, en douillette. En douillette, c'est de l'intestin. Des tripes. Super bon. Et non, dégueulasse. Oh, t'es fou. Ah, mais t'es pas lyonnais, c'est vrai. Et c'est pas ce que c'est que la nourriture. Chocolatine, messieurs. Chocolatine. Porte quoi. Il y a du canard. Il y a pas du canard. Ah si si ah. Ah, dans le jeu ouais. Alors sud-ouest t'as des grenouilles, alors t'as des tout petits t'as plusieurs variétés d'animaux, t'as des tout petits animaux qui va falloir chasser très vite parce qu'ils s'enfuient dans la terre et après tu peux plus les récupérer. Eux ils vont te donner que de la viande, mais c'est un truc qui est très rapide à dépecer et à manger, ce qui fait que la journée passe moins vite parce que ainsi que le jour nuit enfin ainsi que le jour pardon sans trop déconner ça dure 15 minutes. D'accord. C'est court. Hein. Donc sans dépecer de manière abondante et tout ça, ça dure une quinzaine de minutes. Donc le temps passe relativement vite. Donc alors les maps sont pas immenses. Hein, t'as quand même vite fait de faire le tour. Mais plus t'avances en fait, plus ça va jouer sur la hauteur. Et surtout ils sont vicieux, c'est que il y a des endroits où tu ne pourras y accéder que par un seul coin. Voilà. Et du coup, tu vas pouvoir descendre, on va dire, par un certain chemin, pardon, mais tu ne pourras pas remonter par ce même chemin. Tu seras obligé de faire tout le tour de la map, en gros, pour retourner là où tu étais. Donc là, tu perds un peu plus de temps. Et c'est vrai que des fois, quand tu es à l'autre bout de la map, que tu as fait ton feu de camp au départ, j'avoue que c'est quand même pas facile de revenir. Alors, tu peux poser des feux de camp à plusieurs endroits. Tu as droit à 3 feux de camp par niveau. Donc ce qui te permet de vadrouiller un peu de feu de camp en fonction de où tu es dans la map. Et puis donc le but c'est de récupérer les fameuses 3 pierres de champ pour pouvoir aller voir on va dire une espèce de vision qui va t'expliquer, parce que le jeu c'est aussi un jeu de chasse, c'est pas qu'un jeu de survie, pour t'expliquer en fait que tu as un animal à chasser. Et qu'il faudra le tuer d'une certaine manière. Il va t'expliquer comment il faut faire, même si c'est pas la seule méthode, mais on va dire qu'il te donne la meilleure méthode pour le tuer, mais c'est compliqué de toujours faire comme il te dit. Et ensuite, donc il faudra que tu tues cet animal pour récupérer son âme et pouvoir passer au niveau suivant. Voilà. Et en fait, le jeu ne fonctionne que sur cette boucle-là. Donc c'est toujours l'aspect découverte au départ, craft, création. Et puis après chasse et tu repasses au niveau suivant, mais tout ça est parsemé en fait de plein de petits détails. Voilà, comme je t'ai dit, à côté t'as l'empoisonnement, donc tu peux t'empoisonner en mangeant, tu peux subir des saignements, donc avoir une hémorragie en fonction de l'animal qui t'a attaqué. Tu as des variétés d'animaux qui sont assez larges, si tu veux. Tu peux tomber sur des animaux en fait qui vont te one shot parce que c'est pareil, ta barre de vie au début, elle est pas très grande, mais tu as un moyen de la faire grandir. Alors je le dis pas comment, mais tu parce que ça c'est pareil, ça t'est pas expliqué dans le jeu. Ça il faut que tu le découvres. Tu vas rencontrer des trucs, tu vas t'y diriger et voir ce qui se passe et puis essayer de comprendre. C'est très empirique. C'est à la fois un puzzle game, un petit puzzle game si tu veux et un jeu de survie. Et c'est ça en fait qui est bien, c'est que t'as beaucoup de phases de gameplay qui sont très intéressantes finalement et qui te donnent envie de rester tout le temps et de continuer d'y jouer, quoi. Tu me l'as bien vendu là. Pour le principe de jeu, c'est ça. Et puis l'immersion elle est vraiment top, honnêtement. C'est un environnement, comme j'ai dit, t'es tout seul, y a pas de parole. Mais par contre, ça, c'est bourré de vie, ce truc. C'est-à-dire que t'as toujours un truc, le son du vent, un animal qui arrive, un cuicui, des oiseaux qui s'échappent d'une broussaille ou un truc comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à être vivant, alors que graphiquement, il est quand même assez épuré. Il est pas moche, mais il est... Alors... Non, t'es pas d'accord ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il est quand même bourré de détails et de bonnes textures, malgré le fait que ça soit du cel shading. Enfin, t'as toutes les nervures des feuilles. Ça se voit peut-être pas dans ce que j'ai mis, mais peut-être plus sur la vidéo que j'ai mis sur Vrac. Mais t'as l'effet du vent qui est très présent, t'as toujours le bruit de l'eau, parce que c'est pareil, l'eau a une phase assez importante, dans le sens où déjà ça va t'aider à te diriger. Enfin, tu peux suivre un ruisseau, tu peux passer où tu veux par le biais du ruisseau. Bon, après t'as froid, mais parce que t'es mouillé, mais ça va aussi avoir un aspect important, pardon. Et elle est magnifique aussi, d'ailleurs. Ça, c'est franchement, c'est pas une. Enfin, si, ouais, c'est une des plus belles eaux que j'ai vues en VR. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement. Plus belle que Paper Beast. Super. Alors, j'ai pas fait Paper Beast encore. Je l'ai toujours pas mis. Mais on est vraiment sur un effet d'ondulation Le petit effet blanc là que tu as sur les bords, sur les rives en fait, qui fait un peu la mousse, etc. Voilà, l'écume, ouais. Merci. Et surtout, tu as un effet de transparence et à la fois d'opacité qui est très réaliste, si tu veux, parce que tu as des poissons qui passent et des grenouilles aussi qui arrivent. Et je trouve que ça c'est pareil, ça rajoute énormément en fait à l'immersion du jeu dans les environnements. Tout ce qu'il fait, il le fait bien en fait, il est léché le jeu. Ouais. Dans ces tout petits détails. Et du coup, même les textures et les effets de lumière sont vraiment bien rendus. J'ai fait une capture que j'ai mise sur l'article de la preview, où je faisais une capture d'un lever au coucher de soleil, lever de soleil. Et franchement, la lumière, le lens flare et tout, là, franchement, c'était super joli. C'est une petite bouffée d'air frais parce que tu te dis putain, je suis au calme, parce que c'est un peu oppressant quand même ce jeu. Tu te dis putain, je suis au calme, c'est le réveil, voilà, journée tranquille, t'as sauvegardé juste avant. Et là, tu te fais bouffer. Parce que c'est vrai que je l'ai pas. Alors non, parce que t'es à ton camp, donc normalement t'es censé être sécurisé. Donc ouais, c'est vrai que ça, je l'ai pas expliqué. Donc ton camp te servira à dormir et à sauvegarder. Tu ne pourras sauvegarder qu'un feu de camp. Si tu n'es pas un feu de camp, tu ne peux pas sauvegarder ton jeu. Donc tu peux pas sauvegarder au milieu de la pampa. Donc ça, c'est aussi important et plutôt réaliste finalement. Et puis voilà, donc le jeu se découpe comme ça. Niveau point faible, alors il y en a quand même. La musique, il y en a pas vraiment. Absente, ouais. Mais bon, ça colle aussi avec l'univers. Mais les effets sonores sont là, donc et plutôt plutôt réaliste. Les effets sonores sont bien. Il y a juste en fait le thème de la pierre de chant qui est très redondant. Ah, c'est chiant. Qui, je pense, peut en saouler quelques-uns parfois. Mais tu peux le couper. Ce son. Non, parce que ce son te sert à localiser la pierre de champ. Parce que c'est pareil, tu sais pas où elle est. Si, t'as un halo lumineux qui va jusqu'au ciel. Ouais, mais quand t'es au fin fond d'une crevasse et que quand tu lèves les yeux, bah, tu vois rien hormis de la pierre, bah, tu vois, il faut quand même te balader pour la trouver. Mais des fois, elles sont cachées dans des grottes ou des trucs comme ça, parce que c'est pareil, c'est pas parce que tu vois le faisceau qu'elle est au pied du faisceau. Il va falloir des fois trouver des chemins alternatifs. Et en fait, le son, donc, du coup, t'aide à localiser la pierre. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu casse-pied. Donc, enfin, moi, ça me dérange pas, mais je peux comprendre que ça en dérange certains. Après, il y a eu pas mal de bugs, notamment, comme je disais, le pilon et le bol pour faire ces mixtures à base de plantes, en fait, où dès que tu mettais une plante, t'es obligé de mettre une plante dans ton bol, d'attraper ton pilon et de pilonner, du coup, à l'intérieur du bol. Et en fait, au moment où t'attrapais le pilon, la physique faisait que le pilon touchait toujours la plante et faisait sauter la plante de ton bol. Ouais. Et je me suis revu le faire jusqu'à 6 ou 7 fois d'affilée avant de réussir à marteler ton truc. Et en fait, les herbes, c'est ce qui va t'aider à te soigner ou à te redonner de la vie. Et quand t'es en situation d'urgence, je peux t'assurer que le pilon... Oh merde tu le maudis. Ah, tu m'étonnes. Des fois, t'as la pression, limite la main qui tremble pour pouvoir essayer de l'attraper, tout ça. Donc du coup, ça faisait partie d'un des plus gros bugs qui était casse-pied. Il y avait la disparition aussi de matériaux que tu pouvais déposer parce que bon, bah, du coup, ta cape, elle a un inventaire, une capacité limitée. Tu peux pas mettre tout ce que tu veux dedans. Du coup, donc, tu peux déposer des affaires par terre, n'importe quoi en fait. Donc bah, par logique, je suis pas tout seul à l'avoir fait d'ailleurs. Tu les déposes à ton feu de camp au niveau de là où tu t'es installé. Et en fait, bah, quand t'en as besoin, notamment le bois pour faire le feu, parce que le bois ça prend beaucoup de place, il t'en faut beaucoup. Donc bah, si t'arrives à en ramener et le déposer au pied de ton feu, bah, t'as plus besoin de le transporter avec toi. Et en fait, le problème c'est que dès que tu sauvegardais, tout ça disparaissait. Tout ce que tu avais récolté et laissé par terre disparaissait. Ouais. Donc ça a été corrigé. Le problème du pilon aussi, ça a été corrigé, donc puisque j'y ai rejoué depuis et le problème n'existe plus. Tu peux faire tes mixtures en courant maintenant, c'est bon. Tu peux, ouais, limite. Et là-dessus, voilà. Après, hormis ça, voilà, il y avait d'autres bugs. Il y avait le bug de la flèche aussi que j'avais mis où j'ai tiré la flèche, puis je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée en plein air. Elle a jamais été jusqu'au bout de sa course. Bizarre ça. Et puis elle est restée bloquée du coup en lévitation. Et puis ben après par contre, enfin pour moi le plus gros, mais bon ça reste, c'est pas la faute du jeu, c'est encore une fois c'est la faute au PSVR, au tracking et à la manière dont il est fait. Mais c'est quand même très nerveux. Enfin c'est des animaux qui sont assez vifs et qui courent vite. Ils se déplacent plus vite que toi forcément, ce qui reste logique. Et le problème c'est que quand tu les chasses des fois, ben t'as un peu tendance à tourner dans tous les sens. Et comme je dis, quand en fait t'en as un qui te tourne autour, c'est compliqué de le tenir en joue, ouais. D'appuyer sur le bouton en même temps pour faire la rotation. Et puis si jamais tu fais la rotation physique, au bout d'un moment ton move il est plus capté, donc t'as la flèche et se barre en sucette. Et puis tu veux lâcher la joue et puis finalement tu lâches la flèche. Enfin tu vois, c'est pour le coup c'est dans l'urgence ça peut vite devenir compliqué quoi. Voilà. Dans l'urgence c'est un peu la merde. Exactement. Donc, alors c'est pas toujours le cas puisque, comme je dis, t'as une part d'infiltration aussi où il va falloir que tu te caches dans les buissons pour pas que les animaux t'entendent. Quand tu te caches dans les buissons, tu vas t'accroupir, tu vas passer dans un espèce de mode furtif où tu vas plus entendre les sons. Tu vas avoir un espèce d'aura, si tu veux, qui va filer dans les airs pour t'indiquer qu'il y a un animal, il y a une odeur d'animal par là, ou alors repérer des taches de sang ou sentir l'odeur du sang. Enfin, tu vois. Ce genre de petits détails donc qui va te permettre de chasser, et il y a certaines proies d'ailleurs que tu vas être obligé de faire comme ça, sous peine de, enfin après tu peux faire comme tu veux, c'est toujours pareil, mais sous peine de te faire massacrer en fonction de ta condition du moment quand tu vas aller l'affronter, parce que c'est sûr que si tu récupères tous les bonus que tu es surstuffé en termes de vêtements et tout ça, tu peux y aller comme un neuneu, je pense que tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas y arriver. Mais il y a quand même aussi cette part de jeu de chat et de la souris, parce que en fait, faut pas croire que c'est toi, il y a que toi qui chasse en fait, c'est que tu peux et même tu es quasiment à 99% du temps chassé par la proie que tu chasses quoi. Mais il y a un moment, tu vas lui faire suffisamment peur pour qu'il s'échappe et que tu puisses le traquer si tu veux. Et donc voilà, c'est les seuls défauts que j'ai relevé. Donc les bugs, je te dis, ça a été corrigé pour la majorité. Alors il y avait eu aussi des crashs de sauvegarde, mais ils en ont sorti pas mal. Alors j'ai pas vu de patch note, alors il faudrait que je cherche s'il y en a un, mais en tout cas ils avaient dit qu'ils le feraient day one. Ils l'ont pas fait day one, ils l'ont fait day two. Oh, ça va, c'est excusable hein. Oui, là, oui, ça doit pas être une grosse équipe en plus hein, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais ils l'ont fait, ouais. En tout cas ils l'ont fait, voilà. Donc c'est quand même une très jolie version, franchement les graphismes malgré le cel shading, ça fait le taf, je trouve que c'est très très beau, franchement ça colle bien, voilà, ça colle vraiment bien, l'environnement est super, l'ambiance est super, l'immersion est super, et voilà, c'est ça, vraiment ça me dérange pas moi le cel shading, très bonne surprise général. Moi non plus, non, mais comme je dis, ça se marie toujours très bien avec la VR, ouais, parce que ça fonctionne bien en général. Bizarrement, ça demande moins de ressources parce que c'est moins photoréaliste, et donc je pense que c'est peut-être aussi la manière de faire avec le cel shading qui impose moins de besoin de ressources. Mais ça fonctionne bien, franchement, c'est propre, c'est net. Il y a toujours un peu d'aliasing quand c'est très loin sur la végétation, enfin les arbres, tout ça, on sait que c'est toujours assez compliqué. Mais je veux dire, quand tu regardes un truc de près, quand tu essaies de faire quelque chose, ça fonctionne, tout s'explique, enfin, la physique est bonne. Ah oui, vraiment, en parlant de physique, il y a très peu de choses à lui enlever. Quand tu vises avec les PS Move, avec l'arc, c'est précis ou tu as des petits décalages Alors, c'est ce que je disais, en fait, ça dépend de comment tu vas être. De la situation. C'est assez précis à partir du moment où tu commences à maîtriser l'outil quoi. Ouais. L'arc au départ, j'avoue que c'est assez compliqué parce qu'il faut que tu évalues à quelle distance va ta flèche en fonction de ton arc, de ce que tu vises pardon, et en fonction de comment tu bandes ton arc, voilà, je cherchais le terme. Donc au début t'as un petit temps d'adaptation, mais de toute façon les niveaux sont faits pour ça, c'est à dire que le premier niveau c'est la découverte et tu vas apprendre, voilà, comme je disais, à faire le feu, à te créer des armes, etc. Et le deuxième niveau direct c'est un niveau où il y a marqué la chasse quoi, c'était là que pour chasser, donc c'est vraiment pour t'entraîner, là, tu vas chasser du daim, t'as que ça, et en plus ceux-là ne sont pas hostiles, que dans les autres niveaux ils commencent à devenir hostiles, ils te mettent des coups de corne, et ceux-là ils sont même pas hostiles, ils font que s'échapper en fait, donc c'est vraiment pour t'apprendre à viser, à te familiariser avec les méthodes de gameplay. Ça c'est un truc donc, malin, ça, c'est quand même un truc assez malin, t'es voilà. Pas balancé dans non, le bain, non, voilà. Puis, vas-y démerde-toi quoi, t'es une bouée quoi. Bah Non, t'as quand même le minimum syndical qui t'est expliqué. Mais je te dis, après, t'as une grosse phase d'expérimentation, notamment pour te soigner, d'une hémorragie. On a mis longtemps à trouver, quoi. Voilà. Alors c'est tout con, hein. C'est tout con. Pour moi, c'est pas tout à fait logique, mais c'est tout con, mais c'est pas forcément très logique. Mais voilà, on a quand même mis du temps à trouver. Mais si tu n'expérimentes pas, si tu n'essayes pas par toi-même, en fait, tu trouves jamais la solution. Et du coup, c'est ça qui est prenant dans ce jeu, quoi. Donc, pour résumer, c'est un très très bon jeu. Je vous le conseille vivement. J'en suis à la moitié, toujours. Il faut que je tue mon prochain animal. Et pour passer au prochain niveau, mais chaque niveau aussi va crescendo, la difficulté va crescendo en avançant, et c'est quand même de plus en plus difficile. Donc c'est pas un jeu qui se finira très vite. J'en ai parlé beaucoup avec Herbie, puisqu'on l'a testé en parallèle d'ailleurs. Et on frôle, si ce n'est on dépasse la vingtaine d'heures quand même de jeu. D'accord. Voilà. Moi, pour donner vite fait mon avis dessus, en fait. J'étais extrêmement étonné en fait par ce jeu-là. C'est vrai qu'on savait pas grand-chose dessus quand on a eu l'occasion de le tester un petit peu avant sa sortie. Et j'étais vraiment étonné par l'ambition du jeu. On aurait pu croire à une expérience de quelques heures qui allait pas aller très très loin, mais en fait non. Plus tu joues, plus tu te rends compte qu'il y a des mécanismes, comme t'as expliqué, qui se cumulent en fait les unes sur les autres. D'une complexité, moi, qui me va pas. En fait, je suis super nul à ce genre de jeu. Les jeux de survie, les jeux de craft, les jeux machin, je suis mauvais. Rien que le passage de la chasse, je crois que je suis mort une ou deux fois déjà. Mon perso, il passe son temps toutes les 10 minutes à avoir faim, à crever de froid, et puis à crever comme une merde dans le fond d'une crevasse. Prends un sticker, ça. Non mais c'est pas du tout mon genre de jeu. Donc j'aime pas ce genre de jeu, mais par contre j'ai été bluffé par l'ambition du truc, et puis surtout c'est un jeu qui a l'air quand même d'être très long. Il est quand même agréable à parcourir au niveau des contrôles. Moi je l'ai fait sur Oculus, et en plus avec les sticks ça marche très bien, du coup forcément la chance sur ce coup là oui. Et voilà, c'est dommage que le style de jeu me fasse chier, parce que franchement j'aurais bien aimé le parcourir et le continuer, ce jeu, mais malheureusement je me connais, j'ai pas la patience pour ça, en fait. Persévère. J'ai pas la patience, c'est même pas la peine. Moi quand je joue un jeu, c'est pour me détendre, c'est pas pour crever de faim toutes les 10 minutes, donc je sais que c'est un style de jeu que beaucoup de gens aiment, mais moi j'arrive pas. Je suis école recovery automatique à la Call of, tu vois. C'est-à-dire que tu te prends une balle et puis tu te caches derrière un mur, en 10 secondes c'est bon, tu peux retourner courir. C'est bon. Voilà. Et donc du coup forcément quand tu te fais tuer par un papillon, moi je n'y arrive pas. Mais par contre voilà, c'est un très bon jeu en tout cas pour les aficionados du style de survie et de jeu de craft. Foncé quoi, parce que c'est, je pense vraiment... La réelle est top et le gameplay est top. C'est une référence, en plus il n'y en a pas beaucoup de ce style de jeu là, à part No Man's Sky et puis ça quoi. Il n'y en a pas des masses. No Man's Sky ça joue un peu moins, c'est plus sur la partie économique, craft et construction. Là c'est vraiment de la survie pure et dure quoi. C'est tout est une menace. Minecraft. Et il va falloir tout gérer pour pouvoir arriver à avancer quoi. Donc tu le conseilles? Je le conseille vivement. Voilà. Et moi, je le conseille aux gens patients. Je l'impose même. Je l'impose même. Oui, par contre, il faut avoir du temps. Mais après 20 heures de jeu, c'est pas énorme, parce que tu peux faire une petite journée. Comme je disais, les journées sont pas longues. Donc si tu mets le casque, tu décides de faire une ou deux petites journées, en une demi-heure, tu as de quoi récupérer quelques ressources, améliorer tes fringues, etc. Donc il peut se grignoter de cette manière-là. Voilà, faut pas oublier. Voilà, faut aimer expérimenter, faut aimer apprendre par soi-même et puis galérer quand même, parce que c'est un petit peu le but du jeu aussi. Donc voilà, si c'est votre kiff de galérer, comme Majo. Et vous gâchez pas, enfin après vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil, mais bon, vous gâchez pas trop l'expérience à aller voir des tutos ou des solus. Voilà, 100%, enfin ça serait dommage, ça serait passé à côté de ce que le jeu veut vous faire ressentir quoi. C'est vrai, c'est bien de le noter aussi. Ok, ben merci mon bon Maljo. Ben on va passer maintenant à. Mais de rien. À Puzzle le Bobble. Qu'est-ce que c'est ça, Puzzle le Bobble? Le plus gros jeu de la semaine. Ouais. Puzzle Bobble 3D. Puzzle Bobble. Vacation Odyssey. C'est un puzzle bobble, hein, donc développé par le studio Survios, qu'on connaît très bien, parce qu'ils avaient déjà fait Raw Data, qui était un jeu plutôt pas mal, mais bien plein pété d'aliasing. Creed, le jeu de boxe, qui était plutôt très bien. Ils avaient aussi Battle Wake, que j'avais moins bien aimé, Electronauts, Sprint Vector, qui m'avait fatigué les bras, et plus récemment, The Walking Dead Onslaught, que moi, personnellement, je n'ai pas du tout apprécié. Tu adores. Parce que je l'ai trouvé laid. Mais à m'en faire saigner les yeux tellement je l'ai trouvé laid. Et donc Puzzle Bobble, c'est marrant parce que ce studio, ils sont capables vraiment de tout, parce qu'ils sont capables de passer d'un Walking Dead à un truc complètement acidulé et tout coloré. Puzzle Bobble 3D, il est dispo sur le store depuis le 5 octobre 2021. Il est à 19,99€ et il fonctionne avec la DualShock 4 et les PS Move au choix. Et en plus, oui, petit détail à préciser, c'est un jeu qui est cross-buy, donc si vous l'achetez en version PS4 et que plus tard vous prenez une PS5, la version PS5 sera gratuite, parce que le jeu est compatible, donc il peut marcher aussi bien en plat qu'en VR. T'es sûr qu'il faudra pas débourser 10 balles pour avoir le patch PS5 ? Non, pas pour celui-là. Ah non, pas pour celui-là. C'est une bonne nouvelle. C'est écrit sur le site du développeur, sur le jeu, c'est écrit partout. Alors la différence, le principe rapide de Puzzle Bobble, c'est le petit jeu d'arcade qu'on connaît depuis Peta ou Schnock, hein, depuis 2014, je crois. Depuis quelle année il est sorti 1994, il est sorti l'année de la sortie de la PlayStation 1 sur une borne d'arcade, donc développée par Taito. Et, c'était pas Bust Move que ça s'appelait ? Bust Move en Europe, et puis Puzzle Bobble dans le reste du monde, et puis après ça est devenu Puzzle Bobble de partout. C'était pas un jeu de danse, Bust Move ? Hein ? Non, Bust Move c'était le jeu avec les petites... C'était le nom d'origine. De balancer. Ah oui, d'accord. Et c'était uniquement en Europe, ça. Et le principe, tu balances des petites billes avec une espèce de flèche. Et dès que tu as trois boules de la même couleur qui sont en contact, elles explosent, faisant tomber toutes les bulles qui ne sont pas raccrochées, qui sont pas raccrochées à d'autres bulles, en fait. Donc plus tu casses des bulles, et l'objectif, c'est de casser toutes les bulles et de finir le niveau ainsi. C'est l'ancêtre de Candy Crush. Oui, on n'est pas loin de ça. Oui. Ça me fait mal de le dire. Mais... Il y en a eu, je sais pas combien, des comme ça. Le jeu d'origine, bien sûr, c'est un jeu en 2D ou avec un plateau à la Tetris où c'est que tout tombait devant toi. Là, la petite originalité, c'est que Survios ne se sont pas contentés à faire un jeu en 2D comme ils auraient pu faire, par exemple, avec Tetris Effect, où tu as vraiment une partie 2D qui est intégrée dans un environnement 3D. Là, ils ont tout fait en 3D. Ce qui veut dire que c'est pas le même principe que d'habitude. Plutôt que d'avoir des billes qui vont tomber, là c'est plutôt une caisse centrale et des bulles qui vont être collées tout autour de cette caisse centrale dans un bloc 3D. Et quand tu vas taper avec une bille, ta pièce elle va tourner à 360 degrés. Elle va rebondir aussi, non ? Elle va vriller. Ton axe reste toujours en place, mais je veux dire si tu tapes à droite, elle va tourner, quoi. Du coup, tu auras accès aux bulles de derrière que si tu fais taper d'un côté pour faire tourner ta pièce pour accéder aux bulles de derrière. Alors après, bon, tu peux balancer ta bulle au sol qui va rebondir au sol et atterrir par derrière, mais dans ce cas-là, tu ne sais pas où elle va arriver. C'est un peu la surprise, là. C'est plutôt original comme petit... ils ne se sont pas contentés, justement. Ils ont pris quelques risques, ce que j'ai apprécié, moi, personnellement. Donc il y a trois modes de jeu, contrairement au jeu d'origine. Le premier mode de jeu, c'est le mode duel en ligne. Alors là, je peux vous dire que je suis resté sur le mode duel en ligne à peu près une demi-heure à poireauter dans mon canapé avant de trouver quelqu'un. Au bout d'une demi-heure, j'ai laissé tomber parce qu'il n'y avait personne. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut jouer avec quelqu'un qui est sur la télé avec une DualShock. Donc ça peut être intéressant. Et puis, par exemple, avec les enfants, ça peut être très drôle. Il y en a un qui prend le casque et puis il y a le pilote qui joue comme ça. Donc après, il y a le mode histoire qui contient 100 niveaux. Les niveaux, c'est... plus ou moins difficile, on va dire que c'est pas vraiment rangé dans l'ordre. Tu vas avoir, alors moi j'en suis au niveau 40 à peu près, au début ça se passe plutôt bien, c'est relativement simple, et puis à un moment tu vas avoir un niveau qui va te casser les hein, qui va te les briser royal, tu vas mourir 20 fois, tu vas pas y arriver, et après bah, tu as re 5 niveaux qui tu vas bouffer, mais en une fois tu vas dire mais il n'y a aucune difficulté, puis après t'en rechopes un. En fait il n'y a pas vraiment, j'ai pas trouvé qu'il y avait une régularité, une progression vraiment régulière dans la difficulté du jeu. Je trouve que c'est dommage ça, parce que il y a des fois des trucs qui sont très simples, et puis d'autres fois tu tombes sur des niveaux, tu te dis putain mais merde, je suis bloqué là. Quand t'es devant un mur comme ça de difficulté, des fois ça a tendance à décourager certains joueurs, et c'est un peu emmerdant ça. Ça c'était le bah, c'est peut-être fait exprès. C'était le petit bémol. Ouais, de décourager les gens. Non, pas pour les décourager, mais je veux dire après un gros niveau bien dur, tu dis ah oh, putain si jamais tu te retapes un gros niveau encore super dur, et là ça décourage. Ouais, c'est vrai. Bon bah t'es ça te redétend un peu, tu dis ah putain je suis devenu gay fort et tout, l'autre il était gay et dur, maintenant je suis au top. En fait non. Et puis disons super dur qui arrive derrière. Disons que tu commences le jeu au début, bah, tu te dis, allez, bon, j'ai une bille jaune, tiens, là, il y en a deux billes jaunes, je tape dans les deux billes jaunes, mes trois billes jaunes disparaissent. Donc au début, tu cherches même pas à comprendre, quoi. Tu balances comme un bourrin, et dès que tu vois la couleur, tu balances. Sauf que après, tu es soit limité par le temps, donc là, je te dis, là, t'es illimité en nombre de billes, mais t'es limité par le temps. Donc quand t'as 1 minute 15 pour finir le niveau, là, tu canardes, et puis il faut vraiment les dégommer. Par contre, quand tu es limité en nombre de billes, tu dois calculer combien il te reste de billes pour pouvoir finir ton niveau, sachant qu'il va te falloir, si par exemple tu as 3 blocs à détruire, il va te falloir 3 billes à la fin que tu gardes pour pouvoir tirer sur tes 3 blocs pour les détruire pour gagner ton niveau. Donc, après, tu te loupes une fois sur certains niveaux, et ben, tu sais que tu n'auras pas assez de billes pour finir en fait. Donc tu te dis, bon allez... Alors, oui, mais non. Hein ? Objection. Ah oui, je dis oui, ce que tu dis c'est vrai, mais non. Oui, mais non. Y a pas, y a... Bah, oui, mais non, parce que tu as des bonus. Mais ça, j'en ai pas encore parlé. Voilà. J'en ai pas encore parlé. Mais donc, alors, le truc. Alors, toi, tu vas être Bub. Alors, Bub, c'est le petit dragon vert. Donc, le dragon vert, tu le vois jamais. Et ton copain, c'est Bob, le petit dragon bleu. Et le petit dragon bleu, lui, il va te donner des billes. Il va te donner une bille et en même temps il va en tenir une dans sa main, donc tu auras toujours un coup d'avance pour savoir la prochaine bille, la couleur qu'elle aura, un peu à la Tetris. Donc là il te file et tu vas pouvoir aussi intervertir la bille entre la bille que tu auras dans ton espèce de canon. Alors moi je trouve que c'est plutôt un lance-pierre. Alors c'est très rigolo parce que quand j'ai commencé le jeu, c'est une fronde. Quand j'ai commencé le jeu, je savais pas comment, j'ai pas lu le tuto, j'ai rien fait, je me suis lancé direct et je savais pas que faire de ce truc. Donc j'étais avec mes PS Move en train d'appuyer comme un débile sur les gâchettes en disant ça veut pas partir, elle marche pas. Ça marche pas ce jeu. Voilà. Et au final, eh ben, en fait, il faut prendre avec ta main, avec ton PS Move, tu prends la boule, tu la mets dans ton appareil et tu tends l'élastique avec la main et tu t'en sers comme un lance-pierre en fait. Donc c'est après, pas mal, comme système. Hein. C'est plutôt sympa. Alors oui, mais non, mais non. Alors attends, tu fais allusion à quoi là cette fois? Bah au contrôle. La précision. Ouais. Ah, la précision des PS Move qui est catastrophique. Alors il y a des jeux avec lesquels ça, je me rappelle de Apex Construct où les tirs à l'arc étaient plutôt précis. Là c'est une catastrophe. Donc en fait quand tu vas tirer, Survios ont essayé quand même de nous aider. Tu es pas complètement libre à pouvoir tirer où tu veux avec ton lance-pierre, parce que tu as des zones qui vont être en... Quand tu vas viser, tu vas avoir une boule qui va s'afficher, ce sera l'endroit où devrait arriver ta bille. Sauf que vu que la pièce est en 3D, tu as des fois l'impression que ta bille va arriver au milieu du plan, à l'endroit où elle devrait arriver entre deux billes vertes, mais elle va arriver au premier plan. Donc quand la pièce va bouger, tu vas t'apercevoir qu'elle est carrément qu'elle a rien à voir. Elle était juste dans l'axe dans ton axe de vue, mais elle n'était pas dans la profondeur. Et donc les PS Move, c'est toujours le souci, quoi. C'est pas très précis. Alors petit tremblement. Moi c'est pas ça le souci que j'ai. Qu'est-ce que c'est, Majou? C'est qu'en fait tu vises avec la main qui tire les élastiques de la fronde. Ouais. C'est pas ta main en fait qui tient la fronde qui vise. C'est la main qui tire l'élastique qui vise. Et je trouve que c'est totalement anti-immersif. Ça m'a pas choqué ça. C'est pas les deux, c'est pas les deux que tu prends et que tu. Bah alors si en fait, mais si jamais en tirant tu te retrouves avec la main au niveau de l'épaule en fait, t'es pas très précis si tu veux. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est, t'as pas quelque chose de rigide qui t'aide. Oui. Et surtout que si tu tires derrière, c'est plus traqué voilà. Quoi. Alors ça m'a pas donc, dérangé. Ça m'a pas dérangé parce que un petit peu comme dans Angry Birds, tu as une trajectoire qui s'affiche sur le devant de ton arme. Oui, mais en fait, le problème, c'est la stabilité de la précision. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas vouloir viser un endroit, comme tu expliquais, ta boule, elle va plus ou moins. Et en fait, à un dixième de millimètre, si tu veux, ça va bouger. Et genre, juste quand tu lâches en fait, la fronde, ta main bouge. Ouais. Et là, c'est ce qui mort. Fait que la précision aussi bouge. Et du coup, ça casse tout, en fait. C'est vrai. Alors que si tu avais gardé la précision sur la main gauche, celle qui tient la fronde et pas celle qui tient l'élastique, du coup, je pense que ça aurait été plus précis. Mais c'est un peu comme en vrai, non ? Si je dis pas de bêtises. Par exemple, c'est une des choses qui rend la visée avec un fusil assez compliquée, c'est que les gens ont tendance à bouger un petit peu quand ils appuient sur la gâchette. Ils sont tellement tendus que quand ils appuient dessus, tac. Ouais, enfin, c'est Puzzle Bobble, c'est pas Sniper Elite non plus. Oui, mais bon. Faut pas exagérer. À mon avis, avec un lance-pierre, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu. T'as d'autres lançades. Le but de Puzzle Bobble, c'est pas forcément d'être précis, c'est surtout d'être logique et rapide. Si tu veux. Ouais. Et là, ça marche pas. Enfin, ça marche mal des fois. Moyen. Pour le coup, moyen. Disons que ça marche. Disons que quand t'arrives au niveau 40, tu commences à comprendre le truc et t'arrives un petit peu à le gruger parce que tu dis, hop, si je fais ça, je vais le louper. Donc après, tu joues avec ça. Mais c'est vrai que les premiers niveaux, t'es complètement perdu en disant, putain, mais ça vise comme une merde le truc. Donc au début, tu te dis, t'arrives à défoncer ce que tu. C'est assez simple au début. Ouais, non, t'arrives à défoncer. Comme une merde, peut-être pas, mais il y a des moments où j'ai râlé, voilà, pareil. Il y a des moments où j'ai dit, putain, mais non, mais c'est pas là que je voulais la mettre. Au début, et puis après, en plus, t'as le stress des temps limités, donc je te dis pas comme tu rages. Tu dis, putain, cool, il me reste plus que 3 billes, j'ai assez pour finir mon niveau. Et puis l'autre bob bleu, il te donne pas les bonnes couleurs. Et puis en plus, quand tu tires, ça passe à côté. Et tu deviens dingue, quoi. Tu dis, putain. Alors après, ce qui est très drôle, par contre, c'est que tu as des pélicans qui volent au-dessus de toi. Tu peux t'amuser à tirer sur les pélicans, ça te fait des points. Et tu peux aussi envoyer tes boules dans la gueule de Bob quand il t'énerve trop, et à ce moment-là, il se met à pleurer. Donc c'est pas mal. Il se met à gueuler. Toi, ça te plaît, ça. Il t'engueule. Ah oui, pleurer les petits personnages mignons, toi, t'es kiffant. Il y a des moments, il m'avait tellement foutu les boules que je lui ai vidé le chargeur sur la tronche parce qu'il j'en pouvais plus. Donc après, ce qui est bien aussi, c'est que. Alors, moi, je dirais que le côté le plus fragile du jeu, ça reste la précision des PS Move. Parce que pour le reste, graphiquement, c'est plutôt sympa, c'est joli. C'est acidulé, les couleurs sont sympas. Alors, faut pas oublier que tout va se passer devant toi, parce que ça va être sur l'aire de jeu en 3D. Donc tout le reste, ça n'est qu'une image à 360 en 3D, qui est fixe, donc elle peut être très très belle. Et puis, c'est assez varié, parce que tu as 100 îlots, en fait. Tu vas passer d'îlot en îlot. Tu as 100 niveaux sur... Il n'y a pas 100 îlots, mais il doit y avoir 4-5 niveaux par îlot. Et tu peux passer d'un paysage très paradisiaque à la plage, à la Astrobot. Puis après le coup, tu vas te retrouver sur une île volcanique avec de la lave qui coule de partout, que c'est très très joli. Il y a aussi des tableaux en plein orage où c'est que tu as des éclairs, des orages. C'est vraiment bien foutu, ça par contre, c'est super chouette. Tu en as aussi dans le désert avec des pyramides d'Égypte, des trucs, c'est assez joli comme niveau. Moi j'ai une question. Est-ce que, parce que tu as dit qu'il y avait une certaine imprécision dans les moves, est-ce que tu peux jouer à la manette avec le gyroscope de la manette ? J'ai pas essayé la manette, j'ai essayé direct au PS Move, parce que je trouvais ça plus sympa avec les moves, mais c'est vrai que j'ai pas encore essayé. Le test va pas tarder, hein. Je vais peut-être faire un petit essai au PS Move, mais là je peux pas te répondre pour le moment. D'accord. Enfin, vu le jeu, je pense que ça sera au gyroscope. Oui, au gyroscope, et vu qu'il est jouable aussi en plat, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et peut-être que les problèmes d'imprécision des moves, c'est un petit peu gommé par la DS4, quoi. Ça pourrait être pas mal, en tout cas. Peut-être. Donc après, Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même une petite évolutivité dans le jeu. Tu commences à essayer d'aligner 2-3 boules, comme je disais, et que tu as 3 boules bleues, ben, quand elles sont ensemble, elles explosent. Et après, tu vas avoir des nouvelles billes qui vont s'afficher dedans. Donc une bille, par exemple, avec une étoile centrale, quand tu taperas sur cette bille avec une bille verte, ça va supprimer la totalité des billes vertes de tout la construction. Tu vas avoir aussi des petites bulles qui enferment des petits oiseaux. Et le but, ça va être libérer les oiseaux, donc sans exploser les oiseaux. Donc il faudra que tu casses les bulles autour des oiseaux pour les libérer. Tu auras aussi des bulles arc-en-ciel qui, elles, changent de couleur. La bulle d'à côté explose, ils prennent la couleur de celle qui a explosé. Donc ce qui peut te permettre d'exploser beaucoup plus rapidement la construction, mais dans ce cas-là, les constructions sont beaucoup plus grosses. Et faire des combos. Voilà, c'est ça. Et puis après, t'en as d'autres. Hein. T'en as une aussi avec une tête de mort. Si tu touches une tête de mort, c'est ton copain Bob qui est malade. Il est tout transpireux et il est prêt à mourir. Et du coup, ça lui ralentit. Ouais, bah oui, parce qu'en plus je lui tire dessus. Ah ouais. Et en plus, ça le ralentit, donc il te donne les billes moins vite. Donc il faut éviter les têtes de mort. En fait, tu as tout un tas de trucs comme ça qui sont plutôt sympas. Chaque niveau que tu gagnes, que tu remportes, va te rapporter des pièces. Et te rapportera autant de pièces et de points que tu auras passé le niveau avec le moins de balles possible. Donc c'est pour ça qu'au niveau des scores, il y aura des différences énormes parce qu'il y a des gens qui vont arriver à tuer un niveau en 4 billes et puis d'autres qui vont en passer 50. Donc en gros, avec cet argent, ces pièces que tu gagnes, tu vas pouvoir débloquer 3 bonus. Alors les 3 bonus, c'est déjà les bombes. Les bombes, c'est 100 pièces. Donc tu vas déjà dépenser 100 pièces pour débloquer les bombes et après tu vas acheter chaque bombe 20 pièces. Alors la bombe, ce qui est bien, je vous dis pas tout, mais la bombe, c'est assez marrant comme tu l'allumes en fait. Mais ça, vous verrez si pour ceux qui y jouent. Il y a des petits trucs sympas pour l'allumer, parce que je me suis retrouvé avec ma bombe dans les mains en train de dire putain, mais comment je l'allume ? Alors j'ai essayé de la mettre dans mon appareil, ça ne voulait pas rentrer et tout. Et puis après c'est rigolo comment tu l'allumes, c'est le truc tout con. Et après t'as, donc la bombe, ben c'est le truc de bourrin, tu la balances en plein milieu, ça explose tout. Et puis quand tu vois qu'au niveau timing tu vas pas y être bon, tu balances une bombe et au moins t'es tranquille. Là encore, je trouvais qu'il y avait une similitude un petit peu avec la bombe de Hungry Birds. Après t'as un deuxième bonus, c'est les pinceaux, où là tu vas pouvoir changer les couleurs des billes. Le troisième bonus, je ne l'ai pas encore débloqué, donc je ne sais pas ce que c'est, mais j'en parlerai dans le test. Ouais. Donc je disais, niveau graphisme, c'est correct. La bande-son, pas si mal, on reste dans l'esprit un petit peu avec des thèmes un petit peu haïtiens, des thèmes un petit peu... Donc ceux qui sont occupés de la bande-son, c'est le groupe Zuntata, c'est le groupe qui avait développé toutes les musiques de Taito, donc d'époque. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis au niveau de la durée, je sais pas encore, mais je serais pas étonné que le truc puisse durer en fonction des personnes, ça va varier, parce que comme je disais, il se peut que vous bloquiez sur un niveau et quand vous allez trouver la solution, vous allez dire mais qu'est-ce que je suis con, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc au niveau de la durée, ça peut aller de 10h à 20h pour faire les 100 niveaux. Ça dépendra vraiment des gens, du temps que, surtout qu'en plus, quand tu es limité en nombre de balles, tu as le temps illimité, donc tu peux très bien passer ton temps tranquillement, prendre ton temps à essayer d'essayer des trucs. De réfléchir. Et de réfléchir, voilà. On n'a pas parlé du troisième mode de jeu qui était le mode infini. Le mode infini, ça va fonctionner avec un espèce de vortex qui va être au-dessus de ta tête et qui va aspirer tes blocs. Donc tout doucement, tes blocs vont se mettre à monter. Et toi, le but du jeu, ça va être de détruire la totalité des blocs avant que le vortex ne les gobe. Dès qu'il en a gobé un, t'as perdu. Et c'est celui qui tiendra le plus longtemps, en fait. D'accord. Donc globalement, c'est pas un mauvais jeu. Il a des défauts. Les PS Move, c'est ce qui m'a fait le plus rager. C'est pour ça que Bob s'en est pris plein la figure. C'est pas le jeu qui a des défauts, c'est surtout les PS Move en fait. Hein. Ben voilà. Ben je sais pas parce que. C'est vrai que c'est souvent ça. Sur beaucoup de jeux. Je sais pas parce que il y a des jeux qui s'en sortent pas mal. Là, c'est vrai que la première partie du jeu, j'ai pas mal ragé à cause des PS Move. Et sur la fin, curieusement, je commençais peut-être à m'y habituer et ça se passait beaucoup mieux. Et les niveaux, j'ai moins pâti sur les derniers niveau que sur les premiers en fait. D'accord. Donc peut-être qu'il y a une accommodation qui se fait petit à petit et on commence à comprendre le truc. Mais globalement, franchement, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, qui sont fans de Puzzle Bobble, allez-y, vous ne serez pas déçus. C'est coloré, c'est sympa, c'est des petits jeux détente, hein, c'est pas un truc à 19 balles, c'est correct en durée. C'est vraiment pas un mauvais jeu. Après, c'est vrai qu'il plaira pas à tout le monde. Hein. C'est pas les fans de Resident Evil et tout ça qui aiment pas ce genre de truc. C'est sûr. Justement, j'allais te dire, pour moi, c'est chiant, mais c'est addictif. Voilà. Moi, c'est un truc, franchement, ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore fixé la note du test, mais c'est un truc qui va taper au moins les 7 sur 10. Quoi. C'est un machin qui les mérite 7 sur 10. C'est un jeu que j'ai tellement scoté. Le test n'engage que son auteur. Il était sorti, je crois, sur Neo Geo, il me semble, celui-là, non? Ah bah alors lui, à l'époque, je crois, ouais. J'avais squatté un émulateur Neo Geo il y a super longtemps et je l'ai squatté, mais alors des heures et des heures celui-là. Donc c'est pour ça celui-là en fait me dit bien parce que d'après ce que tu expliques, il y a vraiment le spirit de Steam Move dedans. C'est exactement, ça va même dans le détail du ciel quand tu lèves la tête, où il y a le ciel qui est quadrillé, comme dans le jeu d'origine, ça te fait des carreaux, un coup bleu ciel, un coup bleu foncé. Au niveau de la musique, c'est le même esprit. Et ce que j'ai principalement aimé, c'est la prise de risque de Survios, qui aurait très bien pu faire un jeu 2D un peu comme Tetris Effect. Attention, ouais. je dis pas que Tetris Effect est mauvais, parce que je le trouve excellent. Mais ils auraient pu se contenter de faire une partie 2D. C'est pas pareil. Voilà. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement que le gameplay est complètement modifié en VR. De pouvoir taper, de se dire putain, les rouges sont derrière, je peux pas les avoir. Vite, donne-moi une bleue, je vais taper là pour faire tourner la pièce pour pouvoir envoyer une rouge derrière. Et toute cette partie-là est assez sympa à jouer. Il est complet, sans niveau, il est correct. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'accord. Ok. Et en tout cas, voilà, moi, tu me l'as vendu, hein, clairement. Donc, je pense que je vais tester ça aussi quand j'aurai un peu plus de temps. Et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? Pour cette semaine, moi, j'ai plus rien à dire. Moi, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Majo. Non. Bah, un petit instant promo. Un petit instant promo. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne principale de Verfor Player. Je suis fatigué. Alors un petit instant promo. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne Vrac. Vous allez pouvoir voir un boucaquet de vidéos fait par Majo. Il arrête pas en ce moment. Il mitraille comme un porc. Non. Il n'y a pas que moi, il y a El Rocco là, qui en a mis un aussi, il a fait un petit let's play délire sur Aftershock, donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, Floor Plan de Steph Quest 2. Et voilà, qui devrait arriver aussi sur PSVR, normalement. Un petit peu de Quest, ça fait pas de mal de temps en temps. Et puis, donc vous pouvez bien entendu aussi retrouver les articles sur le site vrplayer.fr. Et nous retrouver aussi et laisser des commentaires. Retrouver le podcast là où vous voulez écouter en ce moment. Et j'ai toujours en fait trouvé ça complètement con de dire où est-ce qu'on pouvait écouter le podcast alors que les gens sont en train de l'écouter. Tu vois, en général, qu'ils ont trouvé où l'écouter. C'est l'instant promo. Mais peut-être qu'ils écoutent sur une plateforme et qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent écouter sur une autre plateforme qui est mieux que celle sur laquelle ils l'écoutent. Allez, c'est bon. Tu m'as convaincu. Sur une télé, Discord, iTunes, Podcast Addict. Spotify et tutti quanti et puis voilà, laissez une petite note, laissez un commentaire, partagez la bonne parole, c'est-à-dire la nôtre en fait, hein, tout simplement. Et puis, c'est pas mal, non, comme un promo, non? Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. On n'a pas le melon quand on dit ça. Restons humbles. C'est très important. Gardons les pieds sur terre. Hein. C'est nous qui avons raison, les autres, c'est des cons. Non, voilà. Je pense que tu as bien résumé. Je pense que c'est sur ce bon mot plein de sagesse qu'on va s'arrêter du coup. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. Et puis, ciao. Ciao, ciao. Salut tout le monde.